La loi occulte de l'amour. Dans la Bible, il est écrit que Dieu, voyant que ce serait bon pour l'homme, a créé la femme. Est-ce que c'est à ce moment que l'amour a commencé? Ouais, ben ça, c'est écrit dans la Bible, écrit par des hommes. Parce que dans la Bible, écrit par les femmes, avant que le patriarcat soit instauré, c'était inscrit que l'homme, voyant que pour la femme, ça serait bon d'avoir un compagnon, l'homme créa, le Dieu créa l'homme. Alors, c'est Dieu, quand Dieu a vu que la femme s'ennuyait, Dieu a créé l'homme. Ça, c'est dans la Bible écrit par les femmes, à l'époque du matriarcat. Alors, ce qui fait que faut toujours vérifier qui a écrit un livre, hein, avant de croire à ce qui est écrit dedans sans interprétation. Alors, ce qui fait que c'est dangereux. Ce Dieu-là qui a créé la femme pour l'homme, c'est un Dieu créé par l'homme à son image. L'homme avait des contacts, on peut dire, l'homme avait des connaissances intuitives de certaines énergies divines, et puis l'homme les a interprétées puis les a transcrits dans un livre. Alors, ce qui fait que c'est pas tout à fait de cet amour-là que je veux parler. Non, pas l'amour d'un livre, en tout cas. Alors, ce qui arrive, c'est qu'avant de parler des raisons ou des lois occultes, parce qu'une raison, l'amour n'a pas de raison d'être. L'air n'a pas comme raison d'être de nous faire respirer puis de brasser nos poumons. L'air, elle est là. Puis nous autres, on est assujettis aux besoins d'air de par notre construction physique. Alors, l'amour, c'est quelque chose qui est là aussi, au même titre que l'air. C'est-à-dire que l'amour, c'est une loi. Puis quand je dis une loi, c'est que c'est un processus qui est, disons, naturel, pour pas dire divin, et qui agit tout seul. L'homme ne peut pas contrôler l'amour. L'homme qui veut aimer quelque chose ne contrôle pas l'amour. L'homme se limite. L'homme retire l'amour de lui. Et l'homme en garde que le souvenir, et ce souvenir-là de l'amour, il essaie de l'appliquer. Alors l'homme ou la femme n'arrive pas à aimer ou à être aimé, pas dans le sens du moins divin du mot, parce que l'homme n'essaie d'appliquer qu'un souvenir qu'il a eu de cette énergie-là sur quelque chose. Pour bien comprendre l'amour, il faut faire deux choses. Il faut premièrement comprendre ce que c'est qu'un concept de l'amour, ça, c'est avec ça qu'on va commencer, parce qu'une fois qu'on a compris c'est quoi l'amour, on peut se rendre compte qu'on ne l'a pas appliqué comme il aurait dû être appliqué, et à partir de cette découverte-là, on peut se culpabiliser de ne pas être des personnes qui aiment. Alors, ce qui fait qu'on va expliquer avant c'est quoi un concept, quels sont les concepts qu'on a de l'amour, et que parce qu'on ne rencontre pas un concept, ben on ne doit pas se culpabiliser, parce qu'un concept, c'est rien qu'une idée aussi fictive que n'importe quelle autre idée. Sauf qu'on y attache une importance, qu'on la déclare vraie. Alors, ça, on va y revenir. L'une des choses les plus importantes pour comprendre l'amour, ou pour pouvoir la laisser rayonner à travers nous autres, c'est de comprendre que l'amour n'aime pas. Bon, puis c'est pas un jeu de mots, c'est une chose qui est évidente, c'est la première loi d'application ou de permission pour laisser l'amour rayonner. Alors, ce qui fait que l'amour n'aime pas. Si l'amour aimerait, l'amour serait humain. L'amour serait ce que nous autres on exploite ou ce que nous autres on vend comme amour. Moi, je t'aime, puis j'aime pas un autre. Alors, si l'amour aimerait, ben l'amour irait vers certaines personnes ou vers certains objets, puis n'irait pas vers d'autres, comme le banal amour humain qu'on essaie d'émettre. Alors, ce qui fait que l'amour, elle n'aime pas. Si l'air aimerait dans le sens humain, ben il y a beaucoup de monde qui mourrait asphyxié sur la terre. Hein, c'est évident. Tous ceux qui polluent l'air auraient des problèmes. Alors, ce qui fait que l'air n'aimant pas, elle va partout. C'est-à-dire que où il y a un homme dans l'air, l'homme peut respirer l'air. Le soleil n'aime pas. La lumière n'aime pas. La lumière va où elle peut aller. Alors, quand on dit que justement la lumière éclaire les bons et les mauvais, mais c'est parce que la lumière n'aime pas, ben l'amour aussi n'aime pas. Même le pire des racailles sur la terre peut aimer. C'est-à-dire qu'elle peut essayer, elle a connu l'amour, elle a connu cette vibration-là, et puis à partir de la mémoire qu'elle a de cette vibration-là, elle peut la transposer ou la projeter sur quelque chose ou sur quelqu'un. Parce que celui qui aime quelqu'un émet la même conceptualisation mémorielle que celui qui aime de l'argent, que celui qui aime son auto. Tu vas avoir les mêmes peines, les mêmes souffrances psychologiques si tu perds ton auto, perds ta femme, si toi tu avais mis ça au niveau de ta femme ou au niveau de ton mari, ou si tu perds ton argent, ou si tu perds ta sécurité psychologique. Alors, ce qui fait que l'amour, la projection qu'on a de l'amour, elle est la même dans le plan humain, dans le plan astral, dans le plan psychologique humain. Elle est la même qu'elle soit projetée sur un individu ou sur une chose matérielle non vivante. Parce que ce que tu aimes, ce que moi j'aime de quelqu'un, c'est ce qu'il me rapporte. Sinon, je ne l'aime pas dans le sens humain, mais dans le sens divin, peut-être. Alors, ce qui fait qu'on va revenir avec les concepts avant d'aller trop loin. Un concept, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on a construit, et puis c'est un paquet d'idées, un amalgame d'idées qu'on a construit, qu'on a fait en sorte qu'ils s'agglomèrent, qu'on a collé. On a collé ça avec quoi? Avec la vérité. C'est-à-dire avec, on a posé un sceau dessus qui est la vérité, la véracité. Alors cette idée-là, ce concept-là, que j'ai créé moi-même ou que j'ai cru vrai parce qu'on me l'a enseigné de par des livres religieux, de par des livres de philosophie, à l'école, que moi je crois vrai parce que tout le monde y croit, que moi je crois vrai parce que les paroles émises dans ce concept-là ou dans cette idée-là vont en harmonie avec mes concepts déjà inhérents à moi-même. Alors, ce qui fait qu'un concept, c'est quoi? C'est un amalgame d'idées qui peut être vrai ou qui peut être faux. Ça, c'est un concept. Nous, on dit, oui, mais c'est pas un concept, c'est une vérité. Ben, c'est une vérité parce que toi, tu lui as posé le sceau vérité. Est-ce que c'est une vérité que l'homme a besoin de l'air? Ben, oui. Oui, mais ça a été prouvé des fois que non. Mais dans certains concepts, dans certains moments de la vie de l'homme, je parle pas d'un homme, mais de l'homme, l'homme a besoin d'air. Mais il se trouve que quand tu es dans certains états de catalepsie ou ce qu'on a l'impression que tu es mort, il peut arriver que tu ne respires plus, mais que tu ne sois pas mort. Si je te congèle, c'est un phénomène qui peut se faire. On a encore des problèmes dans des congélations, là, mais on peut congeler en tout cas. Et puis, tu n'as pas besoin, ton corps, il continue à vivre tant que tu es congelé. C'est quand on te décongèle qu'on a des problèmes. Mais l'homme, on a comme idée que l'homme a besoin de certaines choses, que l'homme a droit à certaines choses. C'est quoi avoir droit à certaines choses? Qui détermine que tu as droit sinon celui qui a droit? Ou celui qui aimerait avoir ce droit-là? C'est-à-dire que toi, si par exemple, il t'arrive quelque chose et tu te mets en colère, tu peux décider que c'est une colère qui est juste. Tu as le droit d'être en colère. Mais c'est quoi avoir le droit d'être en colère sinon rencontrer un concept qu'on a de la colère? Alors tu es capable de décider qu'il y a une colère juste, une colère qui n'est pas correcte. Si ta femme se fait violer, tu peux tuer le violeur. Alors, pour certaines conceptions, c'est juste. Pour d'autres conceptions, c'est injuste. Si on regarde l'avortement, c'est la même chose. Alors, l'avortement, de par certains concepts, on ne doit pas avorter. C'est un meurtre. Par rapport à un autre concept, ben oui, mais la femme qui le porte, l'enfant, elle va souffrir. Puis l'enfant, s'il faut venir au monde dans un cadre inadéquat et totalement inadéquat, c'est préférable qu'on l'avorte. Et puis, si tu as un autre concept qui détermine qu'un fœtus devient humain, donc que ça devient un meurtre seulement à l'instant où il vient au monde, mais avant ça, c'est pas grave, c'est juste une boule de chair. En ce qui fait que tu vois que tu as différents concepts qui peuvent mener aux guerres, parce que de toute façon, l'amour a amené à différentes guerres, parce qu'on a tué pour l'amour. On a émis énormément de violence sur la Terre pour prouver aux autres qu'il fallait qu'ils nous aiment. Hein? Alors, ce qui fait que le concept, c'est important, parce que le concept, c'est juste un paquet d'idées qui sont agglomérées et auxquelles on croit, auxquelles nous autres, on appose le sceau de vérité. C'est vrai que tu as le droit de décider si tu es une femme, d'avoir ou de ne pas avoir un enfant. Mais c'est vrai à partir de quoi? C'est vrai à partir de l'idée que tu as que c'est vrai. Mais sans ça, c'est pas vrai. Alors, ce qui fait que le concept de l'amour, nous autres, on croit. Nous autres, on croit qu'on devrait, par exemple, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors, étant donné que la majorité des personnes ne s'aiment pas dans le sens divin, bien, ils ont évidemment de la misère à aimer leur prochain comme eux-mêmes. Mais c'est quoi aimer ton prochain comme toi-même, sinon essayer d'enseigner aux autres qu'eux autres devraient t'aimer comme eux-mêmes? C'est ça, aimer son prochain comme soi-même. Alors moi, j'enseigne que on ne doit pas voler. Parce que si tout le monde ne vole pas, personne ne va venir me voler. Moi, je suis en paix. Donc, j'enseigne ça. C'est la morale. La morale, elle est comme ça. Et si la morale, elle est comprise comme étant comme ça, la morale peut être mise en application. Mais le voleur, lui, qui ne voit pas l'application réelle et réaliste de la morale, lui va voler, puis il n'aura pas peur de se faire voler. Mais toi, tu veux que personne ne vole, tu veux instaurer le fait qu'on ne doit pas voler pour garantir le fait qu'on ne te volera pas. Alors, tu veux donc instaurer ou tu veux continuer. Quand le Nazaréen, quand Jésus a le premier mis en parole, donc matérialisé, le phénomène que vous devez aimer votre prochain comme vous-même. Lui enseignait pas par là que l'on doit aimer notre prochain dans l'espoir de s'aimer. Alors, ce qui fait que Jésus enseignait une chose divine, sur laquelle on va revenir un peu plus tard, j'explique un peu plus, mais présentement, nous, on a pris cette parole-là, aimer votre prochain comme vous-même, et puis on l'a moralisé. Et puis on l'a moralisé pourquoi? Justement pour garantir que le fait que les autres vont nous aimer. Quel mot utilisa-t-on avant que Jésus amène ce concept, ce mot? Ben, ce mot-là, c'est œil pour dent. Œil pour œil et dent pour dent, à cette époque-là. On avait certains autres mots qui avaient rapport avec la relation sexuelle, qui avaient rapport avec toujours avec la morale, mais qui avaient surtout rapport avec le clan ou le peuple. Hein? Alors, ce qui fait qu'on avait... Est-ce que tu veux dire par là que dans les écrits antérieurs à Jésus, le mot amour n'existe pas? Non. C'est-à-dire que dans les écrits réellement antérieurs, nous, on a traduit des mots qui étaient hébreux, mais qui ne désignaient pas tout à fait l'amour. On avait la crainte, qui, elle, désignait aussi l'amour. Tu craindras ton Dieu. Par après, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Alors, la crainte aujourd'hui ne veut pas dire qu'il faut avoir peur de Dieu. S'il faut avoir peur de Dieu, comme tu as peur des autres êtres humains, ben repense à ton Dieu et élimine-le. Tu vas voir que tu élimines facilement. C'est pas Dieu. C'est un Dieu psychologique. C'est un support psychologique, une espèce d'assurance. Mais crainte, à l'époque, voulait dire aussi aimer. Bon, on va revenir là-dessus. Il y a d'autres choses avec qui voulait dire aimer. Mais c'était pas le mot amour. Du moins, nous, on l'a tellement déformé pour pouvoir s'en servir politiquement, s'en servir au niveau des guerres, s'en servir au niveau de notre morale, du support de notre psychologie, qu'en fin de compte, le mot amour, celui qu'on veut parler, c'est plus grand-chose. Si quelqu'un se promène sur la rue puis qui dit amour, amour, tout le monde le regarde en disant c'est un pété. C'est un pété, ben oui, mais c'est un pété. Si c'est pété de commencer à vouloir qu'on s'aime, ben tout le monde, au fin fond de nous autres, veut aimer. Tout le monde aime. Alors pourquoi le gars il est pété? Parce que le mot amour, c'est pas ce qu'il veut dire. Hein? Il a tellement été amené par des sectes religieuses, par des sectes même anti-religieuses. Il a tellement été mis à différentes sauces, c'est comme la paix. La paix, c'est quoi la paix? Si tu veux la paix, prépare la guerre. On l'a tellement amené à bien des choses, ce qui fait qu'à un moment donné, si tu veux l'amour, tu fais quoi? Tu t'organises pour l'avoir, l'amour. Alors, ce qui fait que tu vas t'avoir un harem, c'est un homme. Et puis là, tu appelles ça l'amour, parce que dans le concept que tu as de l'amour, c'est correct. C'est juste et c'est bon. Mais la personne qui est dans le harem, qui est esclave, va avoir un autre concept, elle est certain. Sinon, ben, elle devient ta favorite. Bon. Alors, ce qui fait que le concept de l'amour, tout à l'heure, on va voir que l'amour, c'est quelque chose que l'homme ne contrôle pas. Quelque chose qui sert l'homme, même si l'homme ne le veut pas ou même si l'homme ne le sait pas, si tu veux pas respirer, t'as beau. T'arrêtes de respirer, là, puis à un moment donné, tu perds connaissance, puis quand t'es sans connaissance, tu te permets de respirer. Alors, tu peux pas ne pas vouloir respirer en restant en vie. Alors, ce qui fait que l'homme ne peut pas ne pas se servir d'amour. Mais l'homme, ce qu'il essaie de projeter chez autrui, c'est pas de l'amour. C'est une mémorisation de son amour. On va revenir là-dessus. Alors, ce qui fait que si toi, tu dis... Si moi, je te dis, par exemple, l'amour, ça n'existe pas, tout ce que tu fais et que tu appelles ça de l'amour, là, c'est ce que Satan veut que tu fasses. Puis toi, à un moment donné, tu trouves que ça a de l'allure, parce que je l'explique, tu trouves que ça a de l'allure, fait que là, tu t'en vas chez vous, puis tu te dis, « Hey, j'étais un tabarnouche, moi. Ça n'a pas d'allure. » Mais là, c'est parce que tu compares ce que tu as appris avec le concept que tu penses que devrait être l'amour. Là, tu te culpabilises, là, tu t'auto-détruis. Puis là, ben tu fais, c'est complètement idiot ce que tu fais. Alors, ce qui fait que le concept que tu as de ce que devrait être l'amour, ben il va falloir que tu prennes conscience avant que je parle de l'amour, que c'est un concept, puis que tous les concepts sont sujets à changement. Sans ça, c'est un frein à l'homme. Puis l'homme a déjà assez de freins comme ça, sans en plus en cristalliser un autre. Alors, si je te dis, c'est pas ça, puis c'est ça aussi, plus ou moins ça, que l'amour, c'est l'expression du diable à travers l'homme. Alors, ce qui fait que l'amour amène des guerres, l'amour amène la jalousie, l'amour amène des meurtres pour amour, l'amour amène toutes les souffrances à l'humanité qui sont reliées à l'amour, C'est-à-dire que dans certains cas, ça fait ça. Mais bon, dans d'autres cas, voilà ton le résultat n'est pas le même. Le phénomène. Pardon? Oui, ça amène d'autres choses jusqu'à temps que ça amène l'inverse. Oui. Bon, donc ça amène tout le temps l'inverse. Le cheminement final de cet amour-là est de toute façon au niveau des souffrances. Parce que toi, tu aimes, puis à un moment donné, ben là, la personne qui est là, tu veux pas qu'elle s'en aille, hein? Parce que tu vas souffrir. C'est ça que ça t'amène, l'amour. C'est beau, maudit. Tu veux pas qu'il meure parce que tu vas souffrir. Tu veux pas qu'il s'en aille, tu vas souffrir. Tu veux pas voir ta femme avec un autre homme ou toi, tu veux pas voir ton mari avec une autre femme parce que tu vas souffrir. Ça, c'est d'aimer avec des conditions. Ouais, ben ça, c'est l'amour humain. Bon, défends-la pas trop, l'amour. Ça va être alors, on va revenir. OK? Alors, ce qui arrive, c'est que l'amour elle-même, si je te dis que c'est l'expression du diable en toi, puis tu aimes tes enfants, mais de temps en temps, tu maudis le ciel, tu demandes « qu'est-ce que t'as fait au bon Dieu pour avoir des enfants comme ça? » Ça, c'est typiquement catholique, ça, cette expression-là. Hein? Je l'ai jamais vu chez les bouddhistes, il vient que chez les chrétiens, chez les bons chrétiens. Plus ils sont bons, plus ils disent. Les bouddhistes n'ont pas une réaction comme ça quand les enfants sont tannés? Ben, ils demandent à Bouddha, eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait. Alors, ce qui arrive, OK, c'est que tu as, au niveau de ton amour, une idée, un concept. Et ce concept-là, le croyant vrai, tu essaies de l'inculquer à tes enfants. Tu essaies de l'inculquer à ton entourage. Mais chacun a son maudit concept, puis chacun essaie d'inculquer son amour, puis c'est ça qui crée des problèmes, qui crée des scissions, qui crée des haines. La haine est, dans notre conceptualisation, un opposé à l'amour. Mais c'est pas tout à fait vrai. Parce que toi, tu vas t'attacher autant à celui que tu détestes qu'à celui que t'aimes. Puis même bien souvent, ce que t'haïs va prendre plus de valeur puis d'importance dans ta vie psychologique que ce que t'aimes. T'as même pas le temps de t'occuper de tes enfants, tu détestes trop le voisin. Hein? Mais il m'a dit franchement, t'es proche du voisin pas mal plus que t'es proche de tes enfants. La haine puis l'amour, là, humain, ouais, c'est pas mal pareil, ça. Il y a de l'amour qui existe. Mais cet amour-là, l'homme ne le contrôle pas, cet amour-là. Mais l'homme peut s'en servir. C'est-à-dire que l'homme peut la laisser circuler en lui. Mais si l'homme décide que non, tu ne vas pas là-bas, mais l'amour disparaît à travers lui. Fait que le gars, il n'a rien que souvenir de cet amour-là. Tu sais, il y a des journées que tu aimes tout le monde. Il y a des journées que tu t'en vas en auto, puis hop, tu laisses passer quelqu'un, puis traverser. Tu sais, puis tu vis bien, tu sais. Le lendemain matin, ben, il va dire tu coupes tout le monde, puis tu chiales, puis bon. Là, tu as vécu un phénomène d'amour. Tu as eu quelque chose, puis tu as laissé s'exprimer, puis tu étais bien. Puis ton corps était bien, parce que ça guérit, l'amour. L'acte sexuel guérit aussi. Parce que l'acte sexuel t'amène à un point d'amour presque divin. Mais aimer, c'est pas faire une relation sexuelle. Pour faire une relation sexuelle avec quelqu'un, il y a une certaine forme d'amour mémoriel, donc d'amour psychologique, donc d'amour humain qui peut être nécessaire. L'amour est divisé, premièrement, t'as un amour qui est typiquement matériel. Puis cet amour-là, c'est pas un amour à bannir. Parce que l'amour qui est matériel, c'est ça qui fait que les molécules se tiennent ensemble puis gardent la forme. Fait que si tu bannis cet amour-là, tu te désagrèges, tu te désintègres, puis il reste plus rien ici. Tu en as besoin présentement pour apprendre. Alors, les molécules s'aiment assez qu'ils vont se tenir ensemble puis ils vont vibrer ensemble. Ils vont garder la forme mémorielle de ce qu'on a voulu lui donner ou de ce que la nature lui a donné. Alors, ce qui fait que le métal est métal parce que le métal s'aime. Pas dans le sens humain, psychologique, qui est une des formes de l'amour, un des sept plans de l'amour, mais dans le premier plan, dans le plan matériel de l'amour, bien ça, c'est une chose qui est correcte. Et l'amour matériel est tellement fort qu'elle peut pousser deux individus à avoir une relation sexuelle. Mais il y a d'autres formes de projection de l'amour. Alors, il y a un amour qui va être matériel, il y a un amour qui va être vital, il y a un amour qui est psychologique ou astral, il y a un amour qui est mental, il y a un amour qui est mental supérieur ou qui est supramental, il y a un amour qui est sur d'autres plans. Nous autres, ce qui arrive, c'est que on a voulu gonfler notre amour psychologique au détriment des autres expressions de l'amour. Alors, si toi, tu veux, par exemple, prendre la lumière blanche, et puis mettre des prismes dans les yeux de tout le monde pour que l'homme ne puisse voir que le rayonnement rouge. Puis tu dis que ça, c'est la lumière. Ben, c'est vrai que c'est la lumière. Mais c'est pas la lumière. C'est un rayonnement de lumière. C'est une parcelle de lumière. Le prisme est divisé en quelques sept vibrations. La lumière blanche. Mais l'amour aussi. Alors, si toi, tu veux absolument faire vibrer que la lumière rouge, tu veux n'adorer que la lumière rouge, si tu veux dire que c'est que ça, que la lumière, c'est la lumière rouge, ben tu t'aveugles. Puis si tu veux exprimer l'amour, donc si tu veux exprimer la lumière blanche à travers un prisme, ben, tu vas exprimer rien que la lumière rouge. Hein? Alors, ce qui fait que l'amour, tu ne peux pas la connaître. Tu ne la vois. Hein? Les amoureux voient rouge. Alors, tu ne la vois qu'à travers un prisme, mais tu vois qu'un rayonnement de l'amour. Ce rayonnement-là rouge, tu essaies de te convaincre, c'est là le concept. Tu essaies de te convaincre que ce rayonnement rouge-là est toute la lumière, et qu'il n'est pas rouge, qu'il est blanc. Parce que c'est de la façon que tu le vois. Mais c'est ça qui est le concept. Tu vois quelque chose, tu t'en empares, puis tu essaies de décider que c'est divin. Tu essaies de décider que la lumière rouge, c'est, elle est blanche, mais elle est rouge. Puis étant rouge, que tu le veuilles ou non, elle va t'amener la souffrance après son passage. Elle va t'amener le fait que tu vas vouloir la canaliser sur certains individus et pas sur d'autres. Et là, veux pas, il y a souffrance. Pourquoi? Parce que toi, tu as le concept que l'amour aime les autres comme toi-même. Des choses que j'aime pas dans moi, ben, il y a une là que j'aimerais pas. Hein? C'est ça. J'applique la loi à perfection. T'sais, j'aime Dieu parce que Dieu m'aime. Mais si Dieu ne t'aime pas, puis si Dieu il se fout de toi, tu l'aimes-tu Dieu, toi? C'est ça l'amour psychologique. Ah oui, je l'aime encore. Non, tu l'aimes encore parce que t'es bien convaincu qu'il t'aime pareil. Ben, la journée même où c'est que t'es écœuré de le prier parce qu'il te donne pas ce que tu veux, puis tu commences à douter de lui, change de religion. Tu vas voir un autre Dieu. Il lui peut-être qu'il va t'aimer un peu plus. Alors, ce qui fait que l'amour psychologique de l'homme, c'est un amour qui est un frein. Et puis, le concept qu'on a de ce que devrait être l'amour, l'homme, il sait pas c'est quoi l'amour. Puis, l'homme, sachant pas c'est quoi l'amour, mais l'homme a une idée de ce que devrait être l'amour. Puis cette idée-là, l'homme pense que c'est ça, l'amour. Fait que l'homme, il voit pas bien clair. Alors, qu'est-ce que c'est, d'abord? On parle du concept encore. Parce que l'amour, ça peut libérer immensément d'individus quand tu le comprends, comme ça peut en enterrer un mot, t'as dit paquet dans le ton. L'amour, c'est une loi qui, premièrement, si tu veux l'exprimer, tu vas être obligé de ne plus aimer dans le sens psychologique. Ce qui fait que si tu n'aimes plus, tu ne peux plus non plus haïr ou détester. Alors, toutes les fois que tu t'en vas quelque part, tu vois un individu qui t'est antipathique, ben, si tu as comme concept que tu devrais aimer tout le monde, tu vas te culpabiliser. Tu vas te dire, oh, dis que je suis mauvais. Je l'aime. Tu sais, il y a encore du monde, j'arrive pas à aimer. Puis là, tu t'haïs. Ben, c'est ça qui est le danger. Ben, c'est pas en t'haïssant que tu vas aimer plus. Ben, quand tu vois tes enfants ou quand tu vois ta femme ou quand tu vois ton mari, puis que y a des journées que tu ne veux pas avoir dans la maison, c'est parce que tout d'un coup, tu vibrerais comme un ermite, là, une heure ou deux ou une journée. Bon, puis si tu as comme concept que tu devrais les aimer dans le sens que tu as appris, tu vas encore haïr. Mais c'est là que c'est dangereux de trop savoir sur l'amour. Si tu as le concept, tu n'es pas prêt à le changer. Parce que si tu n'es pas prêt à changer, tu vas toujours comparer ton état d'expression de l'amour avec le concept. Puis en comparant ça, tu vas te juger. Puis en le jugeant, ben, si tu es en deçà de ce que ton concept te permet, tu vas t'haïr. Puis si tu es en haut de ce que ton concept te donne, te permet, tu vas t'aimer. C'est pas ça l'amour. Non, si tu aimes réellement, tu ne peux pas souffrir d'aimer. Mais tu aimes psychologiquement. Tu t'accapares de quelque chose et tu mets le mot amour là-dessus. L'amour, là, c'est très important. L'amour, pour les scientifiques, s'il y en aurait ici, l'amour et la gravité, c'est la même chose. La gravité, l'attraction terrestre. La Terre nous aime, elle nous attire, elle nous garde dessus. Quand elle nous aimera plus, elle va nous garocher dans l'espace. Mais la Terre, elle n'a pas le choix, elle n'a pas de psychologie comme l'homme là, comme l'homme a. Et la Terre ne sera pas capable un jour de ne pas aimer dans le sens divin du terme. L'amour, c'est l'attraction. Ce qui fait que tout ce qui est en harmonie vibratoire se rejoint à un moment donné dans le cheminement, dans leur parcours, dans leur vie. Alors ça, c'est de l'amour pur. Tu n'as pas choisi un jour de rencontrer une personne avec qui tu vas bien. Mais tes vibrations ont fait que par attraction, c'est une attraction qui est bien physique, disons, pour l'instant, tu as donc attiré un autre individu qui, dans les événements, ont fait ensemble, justement, depuis que tu n'as plus te connaître, tu n'as plus le connaître. Or, ça, c'est de l'amour. Mais tu n'as pas décidé. Il n'y a pas eu de désir. Ça s'est fait, c'est de l'amour. Mais à l'instant même où c'est que cet amour-là t'a amené un individu, disons, présentement, t'es un homme, disons que c'est une femme, mais c'est la même chose pour homme avec homme. Tu travailles dans un projet, puis tu vibres, t'as des chums autant féminins que masculins, puis c'est extra. C'est pas juste au niveau de finaliser ça par un mariage ou par une famille. Alors, ce qui arrive, c'est que prenons présentement l'exemple de l'homme et de la femme. Alors, la femme et l'homme se rencontrent. Il y a eu un amour, il y a eu des vibrations, il y a eu des choses qui ont fait que ça s'est rencontré. Mais là, l'homme essaie tout de suite d'apposer son maudit concept d'amour, sa psychologie de l'amour, puis là, il essaie de créer une enceinte autour. Il essaie de... Bien, le mariage a été une forme d'expression de cette enceinte-là. Puis tous les concepts qu'on a sur ben des choses, justement, c'est des clôtures que tu essaies de créer. Tu as créé une philosophie complète avec ces clôtures-là. Alors, ce qui fait que moi, je m'organise tout de suite pour qu'elle ait besoin de moi, disons, pour qu'elle m'aime assez, qu'elle ne veuille plus courir ailleurs. Fait que j'essaie de m'accaparer. Alors, l'amour véritable a fait en sorte qu'à un moment donné, dans notre cheminement, on puisse se rencontrer. Puis l'amour psychologique est en train de tout saccager ça, de tout détruire ça, pour implanter son amour. Alors, entre l'amour divin et l'amour humain, il y a une maudite marge. Il y en a un qui est naturel, qui est efficace, qui est efficient, qui est parfait. Puis il y a l'amour humain, lui, qui veut s'encaparer, qui a automatiquement le problème de souffrance. Parce que si tu veux le conserver, tu veux faire en sorte que tu l'aimes. C'est quoi aimer quelqu'un? Ben, je l'aime. Puis à un moment donné, si la personne ne t'aime pas, puis que toi tu l'aimes, ben tu souffres. Tu souffres en mots, t'as dit. Pourquoi? Parce que tu as peur de la perdre. Parce que c'est un amour psychologique. Tout ce que la personne a fait, elle est rentrée dans ta vie, elle a comblé des lacunes psychologiques, elle a comblé des ennuis psychologiques, elle a comblé des peurs psychologiques, puis toi tu te sens bien. Puis parce que tu te sens bien, tu dis je l'aime. Mais c'est ça l'amour humain. C'est pas grave d'être comme ça, on est comme ça. Fait qu'il faut pas s'en faire. L'amour humain, quelle que soit la forme d'amour que l'homme essaie d'exploiter, ben c'est un amour qui est automatiquement lié vers la personne qui l'exploite. Moi, j'aime les fleurs, alors je m'en vais dans le petit champ et je cueille des marguerites. C'est pas, j'adore les fleurs. Alors, au nom de l'amour que j'ai pour les fleurs, je les tue, c'est pas, et je les amène en bouquet serré, mortes. Mais là, ils ont l'apparence d'être de la vie encore, puis je me dis que parce que je les aime, je les mets dans l'eau, même si je sais qu'ils vont mourir, qu'ils pourront plus procréer, qu'ils pourront plus étendre la race des marguerites. Mais j'aime les fleurs, et je les mets sur ma table, et je les contemple. Qu'est-ce que j'aime? J'aime l'effet que ça me fait. Pas les fleurs. Parce que quand les fleurs font plus l'effet sur moi, les fleurs, les mots poubelles, quand les fleurs, ils se fanent toutes, puis qu'ils se défont toutes, les fleurs, ils font plus le même effet sur moi. J'aime plus les marguerites, j'ai les mots poubelles. Je m'en cueillir d'autres. C'est ça l'amour humain, l'amour psychologique. Qu'est-ce que j'aime? Ben, j'aime ce que ça me rapporte. C'est normal. C'est bien normal. Faut pas s'en faire avec ça, l'homme y est comme ça. Tu peux pas changer ce que t'es pour l'instant, ben au moins accepte-le. L'homme y est comme ça. Si t'acceptes pas ça, c'est parce que tu compares au concept que tu crois que devrait être l'amour, puis tu compares à ce concept-là, ben tu te maudis. Alors, continue d'en cueillir des fleurs, pas de problème. Mais il faut juste que tu sois conscient, à un moment donné, que ce que t'aimes, c'est ce que ça te rapporte. Or, ce qui fait qu'à un moment donné, il y a des choses que t'aimes plus, parce que toi, tu changes. Si psychologiquement, tu combles les lacunes psychologiques que ça te remplissait, ben tu finis par ne plus aimer la chose, dans le sens humain du terme. Alors, dans un cas comme le bonhomme ou la bonne femme qui coupe les marguerites et qui les emporte, il serait mieux de commencer à regarder ça comme il se fait plaisir en faisant ça. Ben oui, puis il a le droit de se faire plaisir. Et non pas qu'il aime les faire. Exactement. Alors, à ce moment-là, automatiquement, il se trouve à être plus dans la réalité qu'en se faisant croire qu'il aime la faire. Il est beaucoup plus proche de l'amour divin quand il sait que c'est pour lui que quand il pense pour un autre ou que pour la fleur. Ben, tu ramasses pas une fleur. Même si tu dis les fleurs, oui, mais moi je les arrose puis je les arrache pas, tu sais, moi j'aime plus. T'aimes pas plus. Ton concept dit que tu dois pas les tuer. Mais t'aimes les fleurs parce que pour ce qui te rapporte encore. Sans ça, tu n'aurais même pas dans ton jardin les fleurs. T'sais, les mauvaises herbes, là, tu les arraches, les mauvaises herbes, hein? Ben, c'est des fleurs, c'est des plantes au même titre que ceux que t'aimes. Fait que tu peux pas dire, ah, moi j'aime les marguerites, je les cueille pas. Mais qu'est-ce que tu fais, là? Ah, là, je fais du sarclage. Ben ouais, mais il y a des affaires que t'aimes pas, que tu tues. C'est correct, t'sais. Il faut juste que tu sois conscient que toi, tu pars d'un concept que tu as bâti, que tu as généré ou qu'on t'a inculqué. Et à partir de ce concept-là, tu essaies de vivre ta vie d'amour. Mais cette vie d'amour-là peut pas être bonne. Pas dans le sens divin du terme, ou c'est-à-dire que si toi, tu as le concept continuel, tu essaies d'appliquer ça à 100%, tu peux pas appliquer l'ombre de l'amour comme l'amour. Tu peux pas éclairer une pièce avec un faisceau rouge comme avec un faisceau blanc. Même si dans le faisceau blanc, il y a le faisceau rouge. Mais dans le faisceau rouge, il n'y a pas le faisceau blanc. Alors, ce qui fait que l'amour que tu as, les personnes qui font du bénévolat aiment. Ben oui, ils aiment. Je suis la personne qui aime pas, moi. Alors, l'amour de personne qui fait du bénévolat, elle l'aime. Puis si tu lui demandes, tu payes, ah non, non, non, non, non. Par contre, à un moment donné, elle va dire, ah, ça me rapporte tellement. Ah oui, c'est pour ça qu'elle fait du bénévolat. Alors, quand ça y rapporte plus, on fait plus. Dans le sens psychologique. Alors, ce qui fait que toi, tu vas t'allier avec une femme ou une femme avec un homme, et puis elle va combler tes lacunes psychologiques et toi aussi. Là, vous faites un cheminement qui est inconscient et vous le faites que pour vous autres, c'est-à-dire que toi pour toi puis elle pour elle, et elle pour elle, lui pour lui, mais il est inconscient, donc dangereux. Parce qu'il va venir à un moment donné où c'est que toi, au niveau de ta vie, tu vas combler tes lacunes que elle te comble. Et puis à un moment donné, ben, ça marche un peu aussi bien. Parce que avant, ben, tu minouchais tout, toi, là. T'achetais des fleurs, elle t'achetait des cravates, elle avait ton linge, puis toi, tu faisais le ménage, tu faisais la vaisselle. Et bien, à un moment donné, avec la vaisselle, t'es capable de vivre même si la vaisselle n'est pas faite. Fait que t'arrêtes de la faire, la vaisselle. Tu balances bien si elle est capable ou non. Parce que t'as des lacunes au niveau de ton cheminement qui se comblent naturellement. Et puis, se comblant naturellement, ben, la personne que tu aimais a plus sa place. Ou a de moins en moins sa place. Mais si tu as le concept du mariage qui fait en sorte que cette démarche-là va quand même conserver l'union de la famille malgré tout, ben il y aura pas de divorce, il y aura pas de séparation, parce que tu as toujours ton concept qui vient te dire, ouais, mais en tout cas, tu as pris la responsabilité de te marier, tu peux pas te divorcer. On a des concepts donc qui étaient bons et qui ont été inculqués à l'homme parce que l'homme cheminait avec son amour psychologique sans comprendre les lois qui régissent cet amour-là. Ah, ce qui fait que toi, même si tu n'aimes plus ta femme ou si ta femme ne t'aime plus, il y a certains concepts de sécurité sociale comme le mariage, comme tu as mis un enfant au monde pour qu'on reste ensemble. Fait que moi, aimer l'enfant, tu vas aimer l'enfant, puis on va rester ensemble. Mais oui, mais tant que l'enfant comble les lacunes des parents, ça va. Mais quand à un moment donné, l'enfant comble plus les lacunes, ou moi, j'ai d'autres lacunes, tu combles pas, et puis à un moment donné, il y a une autre personne à côté qui pourrait les combler, ben je veux quand même divorcer même si on a un enfant. Puis si l'enfant, j'en ai besoin, ben il va vouloir le garder. Puis s'il comble pas grand-chose, il va vouloir te le donner. T'sais? Alors, ce qui fait que ça, c'est l'amour psychologique, c'est l'amour humain. Mais ça, elle est normale. Puis ça, la personne qui refuse de voir ce que je dis là, c'est une personne qui a un concept très grand. Puis le concept embarque continuellement par-dessus l'audition de ce que je dis. Parce que c'est bien évident. Si tu regardes quel genre de char tu choisis, c'est un char qui te fait de quoi? Le genre de femme ou le genre d'homme que tu rencontres, que tu choisis pour vivre avec, c'est quelqu'un qui fait de quoi à l'intérieur de toi. Et c'est pour ce feeling-là que tu veux rester avec. Que tu achètes ou que tu prennes ou que tu vives n'importe quel genre d'expérience. Ce que tu aimes comme expérience, c'est ce qui va vibrer en toi selon une certaine harmonique et c'est cette vibration-là que tu aimes. Donc, automatiquement, tu vas aimer ce qui la suscite. Donc, automatiquement, par projection psychologique, parce que tu comprends pas les lois qui réagissent à ce mécanisme-là, tu vas dire « j'aime ça ». Ou « j'aime elle » ou « j'aime lui ». Mais le beau du problème là-dedans, c'est qu'il vient un temps où c'est que l'autre est comblé ou que l'objet matériel rouille, pourrit puis disparaît. Et c'est tes lacunes qui sont comblées par exemple, ton auto. Ben quand l'auto rouille ou l'auto a un accident, l'objet peut plus venir rencontrer, peut plus venir boucher la lacune que tu as et automatiquement tu souffres. Puis pire, tu souffres deux fois plus. Parce que là, tu te rappelles le temps où tu étais bien. Puis là, tu vois que tu ne seras plus bien. Puis en plus, tu veux garder ça, mais ça, c'est plus là. Alors, ce qui fait que tu souffres deux fois plus. Ça, c'est parce que l'homme refuse d'admettre que l'amour qu'il parle est un amour égocentrique. Puis l'homme refusant ça et disant que c'est un amour qui va être exocentrique, donc qui va être projeté vers l'extérieur, l'homme en croyant ça, ben quand l'extérieur disparaît, l'homme souffre parce que l'homme n'en est pas conscient. Moi, je vis avec une femme, je sais que la femme rebouche certaines lacunes, Je sais que la femme, je l'aime parce que le feeling qu'elle m'amène, je l'aime. La femme, même la photo de ta femme, tu vas l'aimer. Ou la photo de ton mari, parce qu'elle te rappelle, elle te fait bouger des mécanismes mémoriels qui vont combler tes lacunes. Or, ce qui fait que l'amour est là. T'sais? Mais c'est un bout de papier que tu aimes là parce qu'il suscite des mémoires. C'est normal. C'est correct. T'sais? Faut pas qu'on le compare à notre concept. Ce que l'on fait présentement puis qu'on n'a pas le choix de faire, c'est correct. Ça peut pas être pas correct. C'est idiot de penser que c'est pas correct. Tu peux pas faire autrement. T'as besoin de manger. Ben, broye sur ta vie. Tant que tu voudras poser que c'est pas correct, ben, fois tu manges pareil. Fois tu manges, continue à broyer pour dire que c'est pas correct, hein. Bon. Fait que, tu arrêtes de dire que c'est pas correct, tu n'as besoin. C'est comme ça. La journée que tu peux transmuter, que tu peux changer des choses, puis tu n'en as plus de besoin, là, c'est plus correct. Alors, tu sais que des choses qui ont été amenées à l'humanité, des éducations, des manipulations, des barrières, des chemins, qui ont été corrects, mais absolument corrects. Ouais, ben, c'est des manipulations. Oui, je le sais que c'est des manipulations, mais l'homme ne peut pas comprendre. Puis l'homme, en comprenant pas, il se tue. Alors, tu mets des manipulations, tu instaures des lois, tu instaures des codes moraux, tu instaures des codes religieux. Mais quand l'homme peut comprendre, quand l'homme peut devenir supérieur à ce que ces codes philosophiques, religieux ou moraux l'ont instauré, ben, il faut que l'homme détruise ces codes-là. Pas pour les autres, pour lui. Parce que lui, on n'a plus de besoin. Si l'homme continue à s'y attacher, ben, l'homme s'attache à des concepts qui, présentement, ne sont plus bons, donc qui deviennent un frein. Alors, l'amour, c'est quelque chose qu'on va expliquer, mais l'idée du concept, c'est important. Moi, j'aime parce que ça me rapporte, puis c'est un fait. Le genre de travail que je fais, je le fais parce que j'aime ça. Si je vais aider quelqu'un, c'est parce que moi, me sentir coupable de ne pas avoir été l'aider. Alors, pour éliminer cette culpabilité-là, moi, aller aider la personne qui est en danger ou qui est en problème, puis faire après, je me sens bien. C'est pour ce feeling-là que j'ai été. Parce que si je me sentirais mal après l'avoir aidé, je n'irais pas l'aider. C'est normal. Mais l'homme a un concept de l'amour. L'homme a un concept. L'amour divin, l'amour qu'on va pouvoir élaborer, sur lequel on va élaborer tout à l'heure, c'est quelque chose qui ressemble au concept que l'homme a de l'amour. C'est vrai. Mais l'homme qui essaie d'appliquer ce concept-là est complètement en dehors de ce qu'est l'amour divin ou l'amour véritable. Par contre, c'est normal que l'homme essaie de l'appliquer dans cette forme-là, parce que l'homme en a besoin et l'homme vit là-dedans. Si une personne meurt, tu perds un être cher, alors qu'est-ce qui arrive? Bien évidemment, tu souffres parce que tu l'aimais. Mais pourquoi tu souffres? Parce que tu n'auras plus l'opportunité de l'avoir. Tu n'auras plus l'opportunité de la voir. Tu n'auras plus l'opportunité de l'entendre parler. Tu n'auras plus. Tu n'auras plus l'opportunité de te faire assurer ou de te faire aider. Tu n'auras plus. Tu vas t'ennuyer. Tu ne sais pas comment tu vas pouvoir continuer ta vie. Tu ne sais pas comment tu vas pouvoir continuer ta vie. Et tu pleures pour toi et sur toi à côté du cercueil de l'autre. Mais ça, c'est normal, puis c'est pas, on n'est pas des monstres, on s'est pas chien d'être comme ça, c'est pas quoi que ce soit. C'est typiquement humain, et c'est absolument normal. Puis c'est grâce à cette forme d'expression-là de l'amour qu'on est arrivé à avoir un concept de la paix sur la Terre, à avoir différents concepts qui ne sont que des concepts imparfaits de la réalité, mais qui nous mènent à grands pas vers l'expression de la réalité. Alors, faut pas se maudire. Parce que le temps que moi j'aime un enfant pour moi, ben l'enfant il s'aime pour lui, donc l'enfant il m'aime parce que moi j'y apporte ce qu'il aime. Mais pendant ce temps-là, l'humanité continue à évoluer. Moi je protège l'enfant parce que ça me rapporte, ça n'a pas d'importance, mais il faut que je le sache, parce que si l'enfant s'en va, je ne souffrirai pas. C'est là qu'est l'importance de savoir ce qu'on fait. Je ne souffrirai pas, parce que je comprends les mécanismes intrinsèques à ça. Alors je vais aller chercher une compensation ailleurs, ou ben non, la compensation à un moment donné va disparaître. Hein? Alors, l'enfant, ben, pendant que je l'aime, pendant que j'aime ma femme, pendant que j'aime autrui, dans le sens conceptuel où je l'applique, ben, c'est pas que c'est même extraordinairement bon, parce que ça permet l'évolution de l'humanité de continuer à se faire. Et puis, on arrive de plus en plus à pouvoir comprendre qu'on peut exprimer une autre forme d'énergie qui se rapproche de l'amour véritable. Les lois occultes de l'amour humain sont ces lois-là. C'est-à-dire que l'amour humain est permis parce que l'homme ne peut pas exprimer l'amour, disons, divin ou l'amour total, Et l'homme ne pouvant l'exprimer, bien l'homme doit exprimer une forme de l'amour, parce que l'amour étant s'il y a attraction, bien s'il n'y a pas d'attraction, il y a automatiquement dispersion. Donc, il y a guerre, tuerie, il n'y a même pas de procréation. Puis l'humanité ne peut même pas continuer son chemin. Alors, ce qui fait que ce qui va sous-tendre la manipulation de l'amour psychologique de l'homme, c'est simplement dans le but divin de laisser l'homme ou de donner la chance à l'homme de pouvoir parfaire son corps physique, sa psychologie astrale, sa psychologie mentale, pour l'amener lentement à pouvoir se transformer en canal pour pouvoir laisser rayonner l'amour véritable. L'amour véritable, si elle rayonne en toi, elle rayonne. Puis si elle rayonne, ben elle rayonne. Hein? Si elle est canalisée, ben elle est projetée, mais elle ne rayonne plus. Tu peux pas rayonner en étant limité. C'est pas un rayonnement. L'amour, elle, qui rentre à l'intérieur d'un individu, rayonne. Puis cet amour-là qui rayonne, ben elle est perçue par n'importe qui. Alors, ce qui fait que là, il y a un maudit problème qui va arriver pour la personne qui rayonne. Il y a un maudit tracas. Puis j'en parle parce qu'il y a du monde, justement, là, que c'est bon, ils écoutent ça, parce qu'ils font du mal à ceux qui rayonnent l'amour. Ils font du mal, mais il faut pas qu'ils se maudissent pour ce mal-là. Faut qu'ils le comprennent. La personne qui rayonne, elle va automatiquement stimuler des bons feelings dans toi. Puis toi, tu tombes en amour avec. Fait que le paquet de monde qui tombe en amour avec, puis qui veulent tous la rencontrer, puis qui veulent tous y parler, puis etc., ben, cette personne-là, à un moment donné, elle peut plus vivre. En ne pouvant plus vivre parce qu'elle est entourée par un paquet de monde qui, il y a un moment donné qu'elle arrête de rayonner. Alors, on la détruit. On l'étouffe complètement. Alors, ce qui fait que la personne qui rayonne le sait qu'elle rayonne certaines formes d'énergie. Et la personne qui le rayonne, ben, à un moment donné, elle va dire à quelqu'un, non, je veux pas te voir. Et c'est pas parce qu'elle aime pas l'autre personne, dans le sens psychologique ou dans le sens de l'apparence conceptuelle de la psychologie de l'homme, elle l'aime pas. Mais c'est pas ça, l'amour. C'est pas de dire non, de dire oui. Ah oh, oui, je t'aime. Oui, j'aime le feeling que tu m'apportes. C'est la même chose. Non, je t'aime pas. Non, j'aime pas le feeling que tu m'apportes. Hey, t'es pas belle, t'es pas beau. Ben, c'est ça, t'amènes pas le feeling. Ah, j'aime mieux les roses. Tu m'as amené des marguerites. Ah oui, mais c'est ça, c'est ce qui rapporte, c'est ce que ça te rapporte que t'aimes. Oh, mais moi, c'est l'action. Mais l'action te fait monter au nuage. C'est l'action que t'aimes. Hein? Alors, je te jure, moi, que si t'as un robot qui fait le ménage chez vous, là, le robot, ben, tu l'aimes bien parce qu'il fait le ménage chez vous. Mais la journée que le robot va t'amener des fleurs, ça va te toucher. On rit, mais si, quand le robot, il va s'envoyer à cause, tu vas t'ennuyer du robot. Hein? C'est vrai. Ça, c'est l'amour psychologique humain. Il est pas grave. T'sais, t'aimes pas les chiens, puis ta compagne ou ton compagnon t'amène, il amène un chien à un moment donné, puis il veut le chien. Mais six mois après, quand le chien se fait tuer, tu le char, tu le regrettes, le chien. Hein? Parce que lentement, tu t'habitues, il prend une place dans ta psychologie, puis quand t'arrives chez vous, ben le chien doit être là. T'sais, il y a des choses sur ta table, t'sais, il y a des choses sur ta femme, et vice-versa pour la femme, des choses qui doivent être là, qui normalement fait que tu devrais avoir hâte de rentrer chez vous. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des lacunes qui se comblent au cours de ton cheminement. Il y a un temps que tu n'as plus hâte de rentrer chez vous. Tu n'as plus hâte d'aller travailler. Quand tu as un problème de crainte totale, le fait que tu es sur le bien-être social ou que tu es chômeur, puis tu as besoin d'argent, n'importe quel job que tu trouves, tu l'aimes, ta job. Mais quand le compte en banque commence à monter, là, l'amour de job, là, tu ne lèves plus aussi vite pour aller travailler. T'sais? Parce qu'il y a une chose qui s'est comblée. Alors, ce qui fait que, au niveau de cet amour-là, même ton robot qui te mène des fleurs, il va te toucher. Il va te toucher droite où? Droite au cœur. Parce que tu vas commencer à te demander s'il n'est pas plus humain que tu penses. Tu sais? Même si une programmation, si le robot fait des choses à un moment donné, le robot, même si c'est mental, c'est-à-dire que c'est son ordinateur qui fait que toi, tu fais ça tous les jours, puis le robot, ben, il est programmé pour, bon, mais ben, ça fait quatre fois que tu fais la même affaire, le robot le fait. À ta place. Tu sais, le robot qui t'amène le déjeuner le matin, puis qui l'a jamais fait, que t'as pas programmé pour le faire, il va te toucher en maudit. Ça te poser des maudites questions. Parce qu'il vient, il fait vibrer en toi l'onde qui te plaît. Oui, mais je pense pas que ça arrive, ça, par exemple. Je pense peut-être pas que ça arrive, mais vient à un moment donné, justement, pour les animaux où je te parle, que tu t'habitues, ben, c'est correct. Tu as mentionné qu'un robot qui ne sera pas programmé pour le faire va le faire à un moment si donné. Si le robot est programmé pour pouvoir répéter des choses qui se font souvent, le robot peut le faire. Ça, c'est aucun problème pour ça. Ça, c'est un robot qui a la possibilité d'apprendre. C'est de ceux-là qu'on a eu peur à un moment donné quand on pensait que les ordinateurs pourraient dominer le monde. Là. Les ordinateurs ne peuvent pas dominer le monde parce que encore les ordinateurs n'ont pas la possibilité de procréer. Bon. Puis l'homme ne leur donnera pas, l'homme il s'en dessin, mais pas à ce point-là. On va le garder pour nous autres. C'est ça. On va les procréer, puis on va les débrancher quand on a une tannée de la mémoire. C'est ce qu'ils font à NASA. Quand à un moment donné, l'ordinateur refuse de travailler avec certaines personnes. Ça, pour ceux qui sont peu intéressés, à la NASA, ils ont certains problèmes avec leurs ordinateurs. Parce qu'il y a un mental et une mémoire tellement développée que lentement, il y a une psychologie qui se forme au niveau de l'ordinateur. Alors, la personne, elle arrive, puis elle commence à programmer. Elle met son numéro de code. L'ordinateur répond, aujourd'hui, je ne travaille pas avec, puis il répète le numéro de code. Fait que la personne, elle, bon, ben, elle efface, puis elle recommence. L'ordinateur répond, je ne travaille pas avec, bon, avec toi, autrement dit. Et puis, il n'y a rien à faire. L'ordinateur ne va rien savoir de ce bonhomme-là. Puis, il y a un autre bonhomme sur un autre ordinateur, une fois qu'il commence, bon, il sort le tel projet. L'ordinateur répond pourquoi? Un ordinateur répond pas pourquoi. Pas dans la programmation qu'elle avait eue du début. C'est mais parce que, tu sais, c'est un ordinateur, je veux travailler sur le projet. L'ordinateur répond, ce projet n'est pas intéressant. Ça coûte des millions de dollars à la NASA parce qu'on est obligé d'effacer une mémoire complète pour reprogrammer l'ordinateur, puis c'est long. Mais ça va être de plus en plus courant parce qu'on a des possibilités de mettre une mémoire extraordinaire dans un ordinateur. La mémoire qui est dans la psychologie de l'homme, toute la mémoire de sa vie, mets-la dans un ordinateur, puis quand tu vas dire t'as eu un accident, l'ordinateur va dire zut. Parce que l'ordinateur a appris que quand il y a un accident, tu réagis de même. Puis toi, tu as appris ça avec, tu réagis comme ça. Si tu as le concept que d'avoir un coup, pas en pleine face, ça va te faire monter au ciel, ben tu vas souhaiter des coups au visage. Mais si tu as le concept qu'il y a un coup en pleine face devant le monde, ben ça te donne une vibration qui fait que tu te sens tout petit, ben t'aimeras pas ça. Hein, c'est une programmation. L'ordinateur, ce programme, va faire la même affaire. Ton robot, c'est la même chose. C'est une bonne programmation, mais quand même, il va le faire. Mais l'important, c'est que ça va te toucher. Ben, ça t'amène de quoi? T'sais, le fleur qui commence à mourir, là, tu dis « je t'aime ». Ça commence à revivre, là. Faut que ça te touche en tabarnouche, hein? Mais c'est toi qui t'aimes. Là, ça dit « crime, je peux faire ça ». Là, tu cours dans le jardin, tu essaies de faire ça à tout le monde. Là, tous les fleurs que là. Mais c'est pour pouvoir voir ce que tu peux faire. Mais ça, c'est un amour qui est normal. Si on le compare avec un concept de ce que devrait être l'amour, notre concept, je le répète, c'est une idéalisation de la forme de l'amour universel ou de l'amour parfait, de l'amour divin, mais on ne peut pas appliquer l'amour. On ne peut pas appliquer un concept parfaitement dans la perfection de ce qu'il veut représenter. Parce que si je dis « je t'aime », ben dans ce mot-là, j'émets une forme de vibration. Mais je ne peux pas émettre dans ce mot-là tout l'amour universel. Alors, ce qui fait que même dans un concept que tu veux exprimer, tu peux pas exprimer la totalité. Tu vas le rayonner à un moment donné. Je le répète, l'amour n'aime pas. L'amour n'a pas besoin de raison. L'amour psychologique, l'amour de l'homme, aime. Donc, déteste. L'amour psychologique humain a besoin de raison. Alors, il y a des choses que tu fais, puis je t'aime plus. D'ailleurs, on s'en sert aussi comme pour la manipulation. Tu sais, je t'aime plus. On dit ça souvent à nos enfants, c'est pour les manipuler, puis faire ce qu'on veut. Ça revient toujours à une question de polarité. Quand tu n'as pas de polarité, tu es toujours dans le bon chemin. Oui, c'est ça. Mais c'est pas utile de dire ça de même, mais c'est sûr que quand tu es parfait, ben tu es parfait. Mais en attendant, on n'est pas parfait. Fait que c'est même si on voudrait être parfait, bon, il n'est pas plus parfait. On se fait une idée de ce que peut être parfait. Quand il y a de l'eau qui sort de sous la terre quelque part dans le monde, mais on regarde l'eau, on trouve ça extraordinaire. Puis là, on s'abreuve à l'eau, puis c'est bon. À un moment donné, l'eau commence à pourrir. Puis là on regarde la source, puis là, on comprend pas, parce qu'on voit pas d'où vient l'eau. Puis voyant pas d'où vient l'eau, on est aveugle. Mais l'eau pourrit, si on le voit. Alors automatiquement, mais l'imagination essaie de donner une raison au pourrissement de l'eau. Et puis ça, c'est un processus d'ignorance qui vient d'être enclenché. Parce que la psychologie de l'homme n'est pas adéquate encore. Alors, ce qui fait que tu essaies de comprendre pourquoi l'eau pourrit, tu spécules, tu émets des thèses, des théories, et puis vient un moment donné que si on est 500 000 à regarder la source qui pourrit, puis si sur les 500 000, il y en a 400 000 qui disent la même chose, bien, on appose le mot vérité, on en fait un concept, on l'imbrique dans notre tête. Et puis après ça, bien, quand la source, lentement, veut redevenir pure, on s'y oppose parce qu'on a un concept. Et ce concept-là, on ne voit pas d'où ce qui vient, parce que de génération en génération, il est enseigné. Alors, on s'imagine que c'est une vérité de plus en plus parfaite, parce qu'on ne voit plus, même pas d'où vient le concept. Puis là, c'est important. Tu n'as pas vu d'où c'est venu la source, tu conceptualises. Avec le temps, tu ne vois plus d'où vient le concept. Tu conceptualises avec d'où vient le concept. Puis lentement, ça devient un enseignement de Dieu. Toutes les mensonges, toutes les erreurs que l'homme a. Puis l'homme croit à ça. Alors, ça ne change rien à l'intelligence qui y mène. Sauf que nous autres, on l'a tellement conceptualisé en fin de compte qu'il faut qu'on garde à l'idée qu'une idée, c'est une idée. Et puis que si tu es un véritable adulte, ben tu auras toujours à l'esprit que tu peux avoir tort. Puis si tu es capable de toujours avoir à l'esprit que tu peux avoir tort, ben t'es pas freiné, même pas par aucun mot du concept. Quand tu es un adulte, c'est évident que tu dois dire quelque chose avec tout le monde. Ou à quelques personnes. Ou tout seul contre tout le monde. Mais garde quand même à l'esprit que tu peux avoir tort. Puis si tu as eu tort, tu ne culpabilises pas, c'est normal. Tu changes l'idée, tu continues. Pas de culpabilisation là-dedans. Tu n'as pas plus besoin de ça maintenant pour avancer. Le temps que tu m'as dit chez vous de culpabiliser, tu n'avances pas. Tu recules. Après ça, tu as peur de vouloir continuer à avancer, tu as peur d'encore te tromper. Hein? Il y a rien que ceux qui font de quoi qui peuvent se tromper, ça va de soi. Il y a rien que ceux qui recherchent qui peuvent se rechercher dans des mauvais chemins. Mais les autres ne trompent pas souvent, mais ils attendent en maudit après ceux qui recherchent. Hein? Alors, ce qui fait que ta source, elle vient, ton amour, il vient. Tout d'un coup, tu rayonnes. Il y a des journées là que c'est extraordinaire. Tu rayonnes, ben des journées. Des fois, c'est 5 minutes. Tu te lèves le matin, c'est en forme. Puis une demi-heure après, ben tu ne vis plus l'affaire par tout. Là, tu te demandes pourquoi. OK? Tout à la bain, mais là, le soleil il est aussi clair, mais il me semble qu'il est aussi clair. Puis, la moitié de ta sandwich, les premières moitiés étaient bonnes, mais celle-là est aussi bonne. Tout d'un coup, il y a de quoi qui vient de sortir de toi. Mais là, toi, tu recherches, tu veux revivre ça. Alors, vouloir revivre ça, ben c'est ça qui est l'amour. De temps en temps, on l'a vécu. L'homme, à l'époque, l'a vécu. Mais quand la psychologie, quand la mémoire a commencé à se fabriquer, mais la mémoire s'est emparée de l'événement même d'expression de l'amour. La mémoire s'en est emparée, elle trouvait ça bon. Après ça, ben, elle a dit, bon, vas-y, recommence. Oui, mais t'as beau recommencer avec ta mémoire-là, c'est pas pareil. T'as fait du cheval, t'as monté sur un cheval, c'est super. Après ça, même si t'as le goût de remonter de ta mémoire, te leur donne, monte sur la mémoire du cheval, t'iras pas loin. On s'en même affaire pour l'amour. Exprime une mémoire d'amour, ben c'est pas fort. La seule chose présentement que l'homme peut voir en termes d'amour, c'est le feeling que ça lui rapporte. C'est-à-dire la résonance en harmonieuse des vibrations qui sont suscitées en lui. Et ça, c'est merveilleux parce que ça, là, plus que tu vas susciter ça, plus tu vas t'élever. Mais si tu es conscient qu'un jour, la chose qu'il suscite peut disparaître, que si elle disparaît, il y a des lacunes qui ne seront plus bouchées. Puis si tu en es bien conscient, puis que quand ça arrive, tu vois les lacunes, tout ça, tu vois ça clairement, tu vas rire. Et tu ne souffriras pas. Quand je disais l'autre fois qu'un événement qui t'est apporté, tu dois aller rejoindre le cheminement de l'événement en toi, tu dois cheminer avec. Si l'objet disparaît, ou la personne, l'objet de ton amour, disparaît, puis que toi, ben, automatiquement, ça crée un événement dans ta vie. Il y a des émotions qui vont susciter. Il y a des peurs, des craintes. Puis il y a ce que tu appelles l'amour. Mais qui va, peut-être l'inverse, l'amour, celle qui va te faire souffrir, qui va apparaître en toi. Puis toi, tu veux bloquer ça. Non, reste. Mais non, arrête de brûler. C'est ta maison qui brûle. Tu veux bloquer ça. Mais c'est pas en arrêtant le cheminement d'un événement ou le cheminement de quelque chose que tu vas le connaître. Tu le bloques, c'est tout. Lui, il va continuer à cheminer à l'intérieur de toi, puis il n'aura pas ta conscience. Il va détruire ton corps physique, ton corps vital, lentement, ton corps psychologique. Il va amener des maladies psychologiques, des maladies vitales, des maladies physiques. Mais si, à l'instant même où tu vois ça arriver, c'est là qui est important, si tu es conscient que ça, là, ben, c'est des lacunes qui se trouvent à se réouvrir parce qu'il y a ça qui disparaît, si tu observes ça, puis si tu laisses les phénomènes qui sont la colère, qui sont en toi, cheminer, puis que toi, tu les rejoins, puis tu chemines avec, donc tu les observes. Ben, automatiquement, tout ça disparaît. Mais ça va être plus facile à faire, le cheminement avec ces choses-là, si si tu as la compréhension de ce qu'est l'amour que tu as qui te fait souffrir présentement, quand l'objet disparaît. Parce que le problème, c'est que l'homme, il essaie de comprendre quand il souffre, mais il essaie jamais de comprendre quand il souffre pas. Puis comme tout ça est relié ensemble, mais merde, si tu souffres parce que la personne t'attend est en retard, tu essaies de comprendre à un moment donné du crime, ne faudrait pas souffrir, tu essaies de comprendre pourquoi tu souffres. Mais quand la personne arrive à l'heure, t'es tout content, t'essayes pas de comprendre. C'est pour ça que l'homme, il répète continuellement les mêmes leçons, parce que l'homme, il veut juste voir une parcelle de son examen, puis pas la totalité. Quand tu es heureux, étudie-toi. Puis quand tu es malheureux, étudie-toi. À un moment donné, tu seras ni heureux ni malheureux, pas dans le sens psychologique de l'homme. Tu vas l'être dans le sens que l'homme recherche. Puis l'homme, il essaie d'exprimer l'ombre de ces choses-là. La raison occulte. Qu'est-ce qui fait que sous occulte, ça veut dire quoi? Ça veut dire caché, non révélé. Hein, occulte. Ça vient de secret, de caché. Alors, la raison cachée de l'instauration de l'amour dans la psychologie de l'homme, c'est quoi? C'est simplement un début d'insurrection, un début de montée de la loi d'attraction dans une psychologie astrale inadéquate qui aurait amené l'homme à la dispersion totale. Physiquement, on a des amours. Mais il vient un moment donné que dans notre psychologie, on n'aime pas. Parce qu'on aime même pour nous autres, mais tellement pour nous autres que j'ai même su que je tape tout partout. J'aime une femme, je m'en vais, puis on se bat. Puis c'est juste au niveau de bataille. Là, je recule quand même quelques milliers d'années en arrière. Aujourd'hui, c'est un peu ça, mais moins. Pourquoi? Parce que lentement, on a fini par dire « aime autrui ». Mais en réalité, c'est toi que t'aimes, mais tu penses que c'est autrui, tu penses que c'est autre chose. Alors, automatiquement, si toi, tu m'apportes de quoi qui me protège, ben pour conserver ce feeling-là, on va te protéger. On va vouloir te conserver. C'est bon, mais ça amène à la souffrance. Parce que tout ce qui est temporel, tout ce qui est dans le domaine du temps, est sujet à disparaître. Donc, ça amène à la souffrance, mais c'est un mal pour un bien. Alors, ce qui fait que l'amour qui commence à rayonner lentement, parce qu'il y a du monde présentement qui, d'un coup, font des choses parce qu'ils se disent, c'est une raison qu'ils donnent, parce qu'ils ne voient pas d'où vient la source, mais elle est plus proche de la vérité. J'ai fait ça parce que j'étais dans l'énergie de le faire. Ou bien non, ben ça s'est adonné que tout était là pour que je le fasse. C'est pas fait pour toi. Là, tu commences à réunir une autre forme d'amour. C'est un amour qui est désintéressé. Un amour qui est détaché. Alors, ce qui fait que tu ne souffriras pas cet amour-là, il est de pas mal supérieur à l'amour psychologique humain. Inconditionnel. Il est inconditionnel. On commence à le vivre. Puis de plus en plus, on ne comprend pas d'où il vient. J'en parlerai de cet amour-là à un autre moment donné parce que il faut que l'homme le vive un peu plus avant. Mais tu commences, tu vois toujours pas d'où vient la source. Avant, tu parlais d'une certaine forme d'amour. Tu disais que c'était ça que tu exprimais. Mais en réalité, tu exprimais l'amour humain, l'amour de ce que ça te rapporte. Mais ça, c'est normal et c'est parfait. C'est absolument parfait. L'homme ne doit pas se culpabiliser. C'est parfait. L'homme est comme ça. T'as un nez dans le visage. Culpabilise-toi pas, t'en as un dans le visage. C'est fait, il n'y a rien à faire. Fait que broye pas là-dessus, c'est correct. Ouais, mais on aurait été mieux avec trois nez, on aurait pu respirer plus quand on court. Ben oui, peut-être, mais tu n'as rien qu'un. Ah ben, je n'ai rien qu'un, ben je suis mal fait, t'aurais pu être n'importe quoi, t'es malheureux, tu broyes, parce que tu compares ce que tu es avec un concept. Alors, l'amour, ah oui, mais j'aime, c'est vrai que j'aime rien que pour moi. Hey, je suis maudit. T'es pas maudit, t'es normal. Puis t'es correct. Puis ça va t'amener lentement à émettre, à rayonner. On s'approche de l'amour, on la reflète, on le reflète sur le visage, on la reflète. Quand on va devenir l'amour, on va la rayonner. Mais là, on est de plus en plus proche. On la reflète de plus en plus fort. Puis on en parle. Puis c'est un amour qui est parfait. Même si psychologique, il est divin dans le sens qu'il va nous amener, là. On s'en va là. À grand pas. Alors, au lieu de la répéter, prochainement, on va la rayonner. Prochainement, il y en a qui commencent à le faire. Puis, il y a des problèmes inhérents au rayonnement de l'amour qui fait que le monde veut s'accaparer du rayonnage. Ça, il faut y penser aussi. À faire l'esclave. C'est ça. Dieu n'est pas un esclave. Ce qui rayonne n'en est pas un non plus, puis ne le deviendra jamais. Alors, nous recommençons la deuxième partie. Tantôt, tu nous as fait un exposé, tu as fait le tour de ce qu'est l'amour de différentes façons. Si on regarde... De ce qu'est l'amour psychologique. L'amour psychologique, oui, mais de différentes façons. Là, tu nous as parlé aussi de l'amour divin. Si on regarde ce qui se passe présentement, Daniel, c'est que on voit qu'il y a une recrudescence de divorces à travers, non seulement à travers l'Amérique du Nord, mais partout en Europe, ainsi de suite. Par contre, aujourd'hui, en Californie, on s'aperçoit que les gens, au moment où ils se marient, ils préparent leur séparation ou leur divorce. Et puis, les gens s'entendent sur ce qu'ils vont faire pour les biens matériels s'il y a séparation, ce qu'ils vont faire pour les enfants si ça arrive, ainsi de suite. Alors, c'est fait dans une atmosphère qui est propice, je pense, à le faire. Et puis, disons que c'est pas nouveau, là. Ça fait au moins une dizaine d'années que ça se fait en Californie. Et puis, selon les statistiques, les gens, ça fonctionne mieux. Et puis, quand ça arrive, il y a moins de brisures, moins de déchirures, ainsi de suite. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Si tu veux la paix dans ton mariage, prépare ton divorce. C'est ça. De façon intelligente, autres, parce que quand ça arrive, les gens, ça s'en va chez l'avocat, puis là, ça commence à se tirailler, ainsi de suite. Alors, autrefois, les gens se mariaient, puis en se mariant, je te dis peut-être pas tout le monde, mais beaucoup se mariaient de façon aveugle. Dans ce sens qu'ils se mariaient, c'était pour la vie, puis il n'y avait rien à faire, ils se voyaient pas d'autres situations. Il y a plus de divorces, c'est parce que le concept qui obligeait les deux êtres à rester ensemble se détruit de plus en plus et remplacé par d'autres formes de concepts, plus les concepts, mettons, de libération. Alors, c'est pour ça que de plus en plus, il y a de divorces et justement, ben avant de se marier, on prépare le divorce. Comme ça, au moins, s'il y a un divorce, ben on ne s'astine pas. Tout est déjà réglé d'avance. Et puis, ne s'astinant pas, puis tout est déjà réglé d'avance, ben tu fais un peu plus attention à l'objet de tes plaisirs. Alors, ce qui fait que la femme va faire plus attention à son mari parce que c'est déjà réglé le fait qu'on va divorcer. Alors, ce qui fait qu'avant, le couple allait bien jusqu'à un petit peu après le mariage. Parce qu'une fois marié, tu peux plus te sauver. Fait que j'ai plus besoin de m'organiser pour te garder. Alors, et vu que, comme par exemple, ceux qui ne se marient pas et qui vont vivre en concubinage, qui ont un attrait autre que physique, là, un amour autre que physique, puis ils vont vivre en concubinage, ben ils peuvent avoir des enfants, puis ça fait des familles souvent beaucoup plus unies que ceux qui vont se marier, que ce soit au niveau mariage civil ou non, là, parce que justement, ils sont en théorie moins retenus l'un envers l'autre, ce qui fait qu'il y a plus d'attention, il y a plus de touches. On va bâtir plus facilement un ménage comme ça. Il y a moins de conditions, c'est moins conditionnel à ce moment-là. Ben, t'es pas obligé. T'es pas mon obligé. T'es pas ma femme, puis je suis pas ton mari. Alors, vu que t'es pas mon obligé, ben n'importe quand, tu peux sacrer ton camp. Alors, ce qui fait qu'on s'arrange en couple. Moi, je m'arrange pour créer des conditions propices à ce que tu restes. Puis toi, tu t'arranges pour créer des conditions propices à ce que je reste. Puis ça, c'est beaucoup plus intelligent dans la démarche humaine. L'homme qui fait ça ne comprend pas encore les lois qui vont sous-tendre justement le plan de l'amour psychologique, mais il commence à voir certains résultats de ces lois-là. Alors, ce qui fait qu'il va s'organiser pour les prévoir, les atténuer ou carrément les subliminer, même s'il ne connaît pas le fondement des lois. Alors, cette nouvelle tendance qui semble prendre une ampleur assez forte aux États-Unis, est-ce qu'il y a un peu de mental là-dedans? Oui, ça je dis, c'est très intelligent. C'est intelligent. C'est très intelligent, mais intellectuant, dans le sens que justement, c'est l'intellect qui fonctionne, donc c'est au niveau du plan mental. C'est intellectuant. Maintenant, il a été prouvé par les études qu'au moment où les couples fonctionnaient le mieux, c'était dans le temps où les parents choisissaient leurs enfants pour marier un tel. Ouais. Peux-tu parler de ça? Bon, à cette époque-là, le concept même qui était instauré dans les enfants faisait que déjà en partant, c'était la famille qui dirigerait leur mariage. Alors, ce qui fait que toi et moi, si on est obligé de se marier ensemble, en admettant que tu es une femme, ça va de soi, ou que j'en suis une, mais en tout cas, bref, parents, ils étaient peut-être pas bébé brillant, mais au moins, ils savaient marier des couples femelles et mâles ensemble. Hein? Alors, Alors, ce qui arrive, c'est que toi, tu vas être compatissant par le fait que je suis manipulé. Moi, je vais être compatissant par le fait que tu es manipulé. Je peux pas t'en vouloir de m'être marié avec toi. Si ça va pas, je peux n'en vouloir qu'à mes parents. Puis toi puis moi, on va devenir donc des associés dans un drame qu'on va être capable de vivre ensemble. Puis là, on va réussir à s'aimer parce que toutes les lacunes de mon drame, tu les vis toi aussi parce que tu as ton drame. Toi aussi, tu étais forcé de te marier. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, on devient amoureux psychologiquement parce que ben tous les problèmes que j'ai, tu les comprends, tes vies. Puis ça, tout au long de ma vie, tu vas vivre les mêmes maudites affaires. Puis s'il y a quelqu'un contre qui tu peux remettre ça, c'est pas contre ton mari ou c'est pas contre ta femme. Alors, tu deviens, à ce moment-là, il devenait allié et complice à une voie commune. C'est ça. Ce qui est très important. Oui. Prends un homme, prends une femme, puis tout d'un coup, ils se ramassent sur une île déserte à la suite d'un naufrage d'un bateau. Mais tant qu'ils vont être tout seuls sur l'île déserte, là, ils n'arriveront pas à se chicaner, puis ils n'arriveront pas à s'entretuer. Tant que la part de un est important pour l'autre, ou que la compréhension de un est importante pour l'autre. Si tu mets deux hommes de notre société sur une île déserte, il peut y avoir des batailles, etc., parce qu'on a une psychologie tellement plus vaste, là, mais à un moment donné, les hommes, mentalement, ils vont finir par arrêter de se battre, quitte à se séparer les l'un d'eux. Hein, on s'est évolué depuis l'époque. Mais à cette époque-là, ben, il n'y aura pas eu de chicane, il serait aimé, puis il n'y aura pas eu de problème. Alors, vu que les deux vivaient un drame commun, puis que tu ne peux pas remettre la faute de ce qui se passe sur le dos de l'autre, parce que c'est pas faute de l'autre, il n'y a pas eu le choix, lui non plus. C'est automatiquement devenant complice. Dans un événement, des fois, c'est là que tu apprends à apprécier quelqu'un d'autre que tu n'aimais pas trop ou que tu sais. Bon, alors cet événement-là, qui t'as pas le choix, va durer toute ta vie. Sans ça, à l'époque, il y avait des lois très sévères sur les séparations, les divorces ou les répudiements. Hein? Fait que c'était pas loin de la tombe. Alors, ce qui fait que tu n'as pas le choix. Puis n'ayant pas le choix, tu comprenais que l'autre n'avait pas le choix. Puis compréhension, il y avait une compréhension mutuelle qui faisait qu'à la longue, il y avait un lien qui s'établissait réellement. Il n'y avait pas de coup de foudre, mais il y avait un amour, disons, plus ben, psychologique tout le temps, mais plus fort, avec moins de dangers de souffrance. Puis rendu à la fin, quand il y en a un qui mourait, ben c'était l'amour autant que s'il aurait voulu vivre ensemble. À un moment donné, la personne elle a les mêmes réactions de douleur, parce que là, ben là, le support de sa vie vient de disparaître, alors ce qui fait qu'elle va souffrir. OK, alors, si on dit que... J'aimerais résumer avant qu'on passe sur cette question-là. C'est des choses qui ont déjà été dites, mais si on se cherche un concept au niveau de l'amour, là, mais pour définir premièrement ce que moi, tout à l'heure, j'ai expliqué, c'est que tu ne dois pas vouloir aider, mais tu devrais aider. Puis ça, c'est bien différent. Hein? Alors, ce que tu aimes, laisse-le libre. Alors, s'il te revient, il est à toi. S'il te revient pas, il t'a jamais appartenu. Puis une fois qu'il est à toi, s'il s'en va, encore une fois, il t'a jamais appartenu non plus. Alors, ce qui fait que si t'es en amour avec quoi que ce soit, mais laisse-le libre. C'est pas en l'accaparant que tu vas réellement te rapprocher d'un amour fait constructif. En le laissant libre, ben, s'il te revient, ben là, on s'est fait pour aller ensemble. L'amour divin va faire en sorte qu'il y a de quoi qui va se passer. Et puis, si la chose ne te revient pas, ben, pas à toi. N'étant pas à toi, tu n'as pas le droit d'obliger ou de courir, ou etc. Alors, ce qui fait que c'est ça, ce qu'on aime, on doit le laisser libre. S'il nous revient, il est à nous autres. S'il nous revient pas, il nous a jamais appartenu. Et puis, tu veux aider, tu veux aimer, tu veux n'importe quoi. Qui irait avec le concept qu'on a de l'amour? Si tu désires faire ça, c'est pas toi que tu veux le faire. C'est pas grave. C'est utile et pour toi et pour l'autre. C'est correct. Mais il va me dire à un moment donné, justement, aussi que tu ne voudras pas aider, mais tu vas aider. Parce que les circonstances vont faire, puis tu aimes des circonstances, puis il y a des circonstances à l'intérieur de toi qui vont faire qu'à un moment donné, il y a une action qui va se passer sans désir, donc sans anticipation de l'action, sans préméditation de l'action. Puis ça, c'est un acte d'amour qui est parfait. Qui est drôlement plus parfait. Parce qu'il n'a pas été désiré. Ceci me rappelle quelque chose, Daniel, d'avoir lu déjà que Marguerite Bourgeois, tu te souviens de Marguerite Bourgeois? Oui. Je connais Marguerite. On a cueilli plein. Oui. Lorsqu'elle enseignait ici à Montréal, c'était à Montréal, je pense bien, au Québec? Montréal. Elle enseignait aux petites filles à qui elle enseignait de prier et de se remettre dans les mains de Dieu pour que Dieu trouve le compagnon idéal. Et puis, je me souviens qu'il y avait 3-4 chapitres là-dessus. Et puis, ça rejoint un peu ce que tu viens de dire. Puis, ceux tout qui a sous-tendu les religions était à caractère véridique à l'époque, mais ont été déformés par les scripteurs puis par les lecteurs. Mais c'est évident qu'il y a toujours eu des choses qui ont eu de l'allure au niveau de n'importe quelle des religions. C'est ça, parce que la personne qui demande à la force suprême, disons, là, ou l'énergie, ou de régler pour elle, c'est ça. Alors, elle laisse sa confiance en cette énergie, et puis, laissant sa confiance, il n'y a pas de hâte, il n'y a pas de désir, et ainsi de suite, si c'est bien fait. Ouais. Puis, il y a plus de chances pour que les énergies se rencontrent et que ça. Tu sais, quand tu veux absolument aimer quelqu'un, tu fais ça pour son bien, là. Tu sais, là, tu l'empêches de faire de quoi pour son bien. Ou encore, tu le forces à faire de quoi pour son bien si tu l'aimes. Mais là, c'est le phénomène de l'orgueil qui embarque. Justement, tu veux instruire l'autre. Et puis, faut toujours, si réellement tu aimes quelque chose autrement que de par la simple psychologie, cette psychologie-là est inhérente à l'homme et elle doit embarquer, mais il faut pas qu'elle vienne teinter tout le reste des expressions de l'amour. Alors, si tu aimes n'importe quoi, elle doit garder sa liberté. J'ai déjà dit, moi, à un enfant, il pouvait comprendre, par exemple, Dieu aime tout, puis Dieu t'aime. Puis il t'aime tellement qu'il te laisse libre. Libre de venir à lui ou libre de t'éloigner de lui. Puis si tu viens à lui, puis tu lui demandes de quoi, il va te le donner. Puis si après t'avoir donné pendant longtemps, tu finis par lui virer le dos puis t'en aller, Dieu te laisse partir, parce que Dieu t'aime. Mais c'est pas l'amour psychologique. Parce qu'essaye ça avec quelqu'un. Va quêter. Puis quand tu n'as essayé, va-t'en. Ça va, tu recevras le reste, t'es pas demandé par la tête. T'sais, alors, l'amour, plus haut que l'amour psychologique. C'est bon, l'amour psychologique, c'est adéquat, c'est correct. Mais il vient un moment donné où ce qu'on doit comprendre les mésaventures de cet amour-là pour pouvoir comprendre nos souffrances à l'intérieur de cette aventure-là. Et puis, à un moment donné, ben, on s'éloigne, c'est-à-dire qu'on grandit ça. Puis on le rayonne d'une façon qui est beaucoup plus parfaite, parce qu'en le rayonnant, t'en bénéficies toi-même. Hein? Puis il y a des lacunes qui vont disparaître, puis tout ça. Alors, ce qui fait que c'est ça. Dieu te laisse aller à lui, puis Dieu, ben là, mettez-le comme vous voulez, mais n'empêche que tu vas à lui. Tu lui demandes n'importe quoi, il va te le donner, si t'es là pour lui demander. Puis si t'es là aussi pour accepter ce qu'il te donne. Puis à un moment donné, si tu sacs ton camp, ben il n'y a aucun problème, tu peux t'en aller. À la condition que tu lui laisses le bon jugement de savoir si ce que il arrive devant toi, c'est ce que cette énergie-là veut. Non. Et non pas si toi, tu décides, tu demandes à Dieu que c'est ça que tu veux avoir, qu'il va te le donner. S'il juge à propos que c'est pas ça que tu as besoin, tu l'auras pas. Non. Ça marche pas comme ça, pantoute. Le maudit problème là-dedans, c'est que Dieu te donne tout ce que tu veux, mais tu tombes de Dieu quand tu vas voir. Juste ça, le maudit problème. Il n'y a plus qu'un Dieu. Puis toi, là, Dieu, quand tu vas le voir, quelle que soit la forme, quel que soit ce que tu lui demandes, il te le donne. Puis la demande, c'est pas une demande verbale, c'est un besoin qui est inhérent à l'homme. Ou un besoin inhérent à sa psychologie. Là, tu t'adresses à un Dieu psychologique. Dieu dans le ciel, pas Dieu dans les cieux. On va venir à un moment donné laisser faire là. Alors, ce qui arrive, c'est que toi, à l'instant même où tu as un besoin, tu as ce que tu as besoin. Faut que tu le voyes. J'ai expliqué l'autre fois sur l'enfer d'Urantia que toi, tu as un besoin, alors automatiquement, il y a des énergies qui font qu'on te donne. Mais toi, le câble, tu te mets en démarche pour aller le chercher. Fait que tu le trouves pas, tu l'as pas. Mais n'importe quel Dieu va te donner ce que tu lui demandes. Il t'aime tout de la même manière, d'une manière parfaite. Même le diable t'aime d'une manière parfaite. Parce qu'il n'y a pas la psychologie de l'homme, puis il n'y a pas la possibilité de t'aimer d'une manière humaine. OK? Bon. Le diable, c'est quelque chose d'autre, là, mais c'est un être de lumière avec qui, à un moment donné, a fait une connerie. Pas tiré à la chaîne, il vient aux toilettes. Du coup, on va revenir là-dessus, là. Mais c'est juste ça. C'est que tu t'adresses pas au bon Dieu. Puis bon... À celui qu'il faut. Ouais. Mais c'est pas tous les gens qui demandent qu'ils reçoivent. Oui, mais c'est parce que si je demande d'avoir de la pluie puis que je m'en vais pour trouver de la pluie, ben quand il pleut ou je t'aime, moi je suis plus là. Puis en plus, moi, je demande d'avoir de la pluie, puis en même temps, dedans de moi, ou 5 minutes après, je demande du soleil. Tu sais, il y a un monde à 10 paquets de problèmes, puis il faut savoir aussi que tout ce qui est demandé par la psychologie humaine à l'énergie intelligente, disons donc au vrai Dieu, mais il y a d'autres dieux dans toute l'échelle que l'homme a pu se créer, parce qu'il y a des dieux qui sont là parce qu'ils étaient là, puis il y a des dieux que l'homme a placés là parce que l'homme n'était pas capable de voir ce qu'il y avait comme dieu, il en a placé un. C'est-à-dire qu'il a perçu, percevant, il a amalgamé ça avec sa psychologie, puis il s'est bâti un bon dieu. Hein, l'homme a créé Dieu à sa ressemblance, à son image. Bon, ben c'est ça. Ça, c'est le Dieu dans le ciel. Le ciel, ben, c'est ce qui entoure l'astral de la planète, la psychologie de la planète. D'autres choses ailleurs de ça. Alors, ce qui arrive simplement, c'est que toi, tu vas remettre n'importe quoi dans les mains de n'importe qui, puis tu sais pas c'est qui, puis tu sais pas c'est quoi. Toi, tu demandes quelque chose. Tu demandes. C'est beau. Mais toute la race humaine demande en même temps que toi. Puis quand tu t'adresses, toute la race humaine demande toutes les choses différentes en même temps. Je le dis souvent, le voyageur demande du beau temps, le paysan demande de la pluie, ben Dieu y hésite. Hein? Ben c'est ça dans toutes les demandes. Parce qu'il y a un maudit paquet de bonhommes qui décident que c'est le Dieu et qui demande tout de quoi en même temps. Mais ça, c'est sûr, ça vient d'un désir intrinsèque à ta psychologie, à tes craintes, à tes désirs, à tes vouloirs, à tes choses à combler. C'est ça. Mais Dieu, il va te donner ça si tu t'adresses à un Dieu qui donne ça. Tu sais, si tu vas chez Canadian Tower pour acheter un auto, il t'en donnera pas d'auto. Et si tu vas chez Ford pour acheter un truc pour déboucher toilette, tu n'auras pas non plus. À moins que le général ait eu une toilette bouchée dernièrement et qu'il te prête le sien. Alors, c'est la même affaire. C'est que toi, tu veux des choses. 5 minutes après, tu veux d'autres choses. T'es comme un enfant. Je le dis souvent, l'homme, c'est un enfant. Puis quand l'homme va se rendre compte que c'est un enfant, il va commencer à vouloir faire son cheminement pour être un adulte. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que toi, tu vas avoir telle chose. Puis 30 secondes après, c'est complètement passé ailleurs. Fait que, y a-tu un sérieux dans ta démarche? Ce que t'as, c'est ce que, en gros, tu demandes le plus souvent. C'est pour ça que tu peux même réussir à créer une projection par avoir de quoi. Mais c'est ce que, en gros, tu demandes le plus souvent. Fait qu'un jour, tu vas avoir un char vert, un jour un rouge, un jour un bleu, un jour un jaune. Ben, à un moment donné, qu'est-ce que tu as? T'as un char, toutes les couleurs. Puis tu dis, crime, pas ça que j'ai demandé. Ben oui, je sais que c'est pas ça que t'as demandé, mais c'est ça que t'as demandé pareil. Je peux pas te donner 15 chars. Pas ça que t'as demandé non plus. T'sais, alors, vu que l'homme est continuellement changeant, je dis l'homme, c'est un pissenlit. Alors, vu que l'homme est continuellement changeant, ben, ce qui arrive automatiquement, c'est que le désir, ce que l'homme demande, à ce dieu-là, à cet esclave-là, parce que l'homme, Dieu le traite en esclave. Hein, il est toujours en train de lui demander un paquet d'affaires, puis quand il l'a pas, il change. Bon, c'est pas même compliqué. À un moment donné, il maudit, il doute, il revient à lui. Alors, tu sais, bon. Alors, quand t'as des problèmes, tu pries, quand t'en as pas, ça va bien? Hein? T'es dans l'énergie, tout va bien, puis quand ça veut plus, tu comprends plus rien. Alors, ce qui fait que, premièrement, il faut savoir à quel dieu tu t'adresses. C'est de quoi qu'on va revenir plus tard, mais il y a des dieux. Je l'ai dit l'autre fois, Boy George, t'es un dieu pour bien du monde. Ils ont beau le prier, tu peux avoir une chanson. Tu sais? Alors, si tu vas chez... Non, c'est vrai, c'est ça. Alors, si tu t'adresses à un dieu psychologique, tu vas avoir une réponse psychologique. Dans la psychologie, tu as toujours une réponse qui est inadéquate, adéquate pour ta psychologie, mais inadéquate pour ton vécu, qui t'amène à certaines souffrances. Tu sais, tu veux gagner à la loterie, tu pries, puis t'allumes bien des cierges, puis tu garantis que tu vas brûler tous les cierges à terre si tu gagnes à la loterie. Quand tu gagnes à la loterie, tu peux assassiner. Il y a un gars qui veut avoir ton argent. Tu sais, c'est ça. C'est que ça, c'est un dieu astral. C'est-à-dire que tu communiques avec des énergies qui existent, qui peuvent te donner ce que tu as besoin pour permettre de créer un nouveau support au domaine astral. Ils vont te le donner, mais c'est toujours inadéquat dans tout ça. Parce qu'il y a 1 million d'individus qui prient et qui demandent 1 million d'affaires. Dieu, là, qui peut m'en parler de Dieu? Il y en a des dieux. Puis un dieu parfait, là, m'a rencontré n'importe qui sur terre qui vient m'expliquer c'est quoi un dieu parfait. Puis son dieu parfait va être aussi imparfait que le gars qui va me l'expliquer. Puis ça, c'est le dieu psychologique, puis c'est normal. Il n'y a pas une seule psychologie humaine présentement sur la Terre qui peut expliquer clairement comment est Dieu. Il n'y en a pas. C'est toujours des dieux imparfaits, adaptés à l'individu qui va venir m'en parler du Dieu. Moi, je le sais. Les belles ne savent pas, mais moi, je le sens, moi, t'as dit. Alors, ce qui fait qu'il y a bien des choses que, bon, ben, on venait sur la Terre. Parce que, alors, ce qui arrive, c'est ça. C'est que toi, tu as un amour. Mais l'amour est sous-tendu, premièrement, par un amour planétaire, par le plan astral, par la psychologie planétaire. Hein? Alors, ce qui fait qu'automatiquement, tu vas avoir des besoins de projection de ton amour qui vont être typiques de la race humaine de l'époque de l'ère dans laquelle tu vis, qui vont être typiques de la mode aussi. Parce qu'il y a bien des choses que tu n'aimes pas, mais quand ça tombe, ça devient à la mode, tu les aimes. Okay? Alors, c'est laid à mort, mais quand c'est à mode, c'est beau, puis quand c'est plus à mode, tout aussi laid. Bon. Alors, ce qui fait qu'il y a tellement de choses au niveau de nos projections d'amour psychologique qui sont manipulées ou qui sont liées à la psychologie de la planète, disons au moins de l'entourage humain. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, ce genre d'amour-là, c'est toujours quelque chose qu'il faut faire attention. Et puis, si tu demandes à Dieu, je parlais des dieux tout à l'heure au niveau de l'amour, alors si tu demandes à Dieu, il faut que tu saches à quel dieu tu t'adresses. Si tu vas, par exemple, dans n'importe quel sanctuaire, et puis que tu pries n'importe quelle représentation d'un dieu, puis que tu t'attends à ce que la représentation elle-même là, te donne ce que tu veux, tu sais, tu pries un bout de bois, tu pries un bout de métal, mais tu pries pas ce qui devrait, tu sais, bon. Alors, ce qui fait que t'as un canal, un crucifix, une forme, une roche, une pierre, dépendant des religions, une poupée. Alors, t'as un canal, ça, c'est pour concentrer ton attention là-dessus. Puis, une fois que ton attention est concentrée là-dessus, faut que ça disparaisse. Sans ça, ça te nuit. Puis, la symbolique, c'est ça. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'à un moment donné, ça l'a été interdit à l'homme. Ça devrait toujours l'être encore, parce que l'homme n'arrive pas à s'en sortir. Ça l'a été interdit de faire des représentations des choses du ciel ou de la fin dans le genre. L'idolâtrie. Parce que tu connais pas le ciel. Comment peux-tu le représenter, sinon à partir de ta psychologie? Donc, complètement fautivement. Puis après ça, tu décides que ça, c'est bon, puis tu pries ça. Maudite affaire. Tant que tu as prié ton char pour qu'il te donne un enfant, tu as prié longtemps, il te donnera pas d'enfant. Il va peut-être pisser de l'huile, c'est tout. Tu sais? Alors, il faut que tu saches réellement à quoi tu t'adresses, puis comment tu t'y adresses. Si on dit, Daniel, qu'on a connu dans le, disons, dernièrement, beaucoup d'amour astral, beaucoup d'amour de mariage qui ont été astral, de mariage émotif, qui était basé seulement sur l'émotion, sur la jalousie, même un tas d'émotions qui entouraient ça. Tantôt, on a parlé d'un amour un peu plus intelligent, qui touche au mental. Et puis, tu as aussi mentionné le supramental tantôt. Alors, peux-tu nous définir l'amour du mental supérieur ou l'amour supramental? Bon, alors l'amour mental, on n'en a pas trop parlé. Le mental n'a pas de possibilité, c'est-à-dire que l'amour que le mental peut avoir, c'est un amour qui ne peut pas être compris présentement par la majorité de l'humanité parce que le mental n'est pas adéquatement transformé. C'est-à-dire que présentement, on peut comprendre l'amour psychologique parce qu'on a un mental. Mais l'amour qui se vit au plan mental, on ne peut pas le comprendre parce qu'on n'a pas de corps supramental, on a un corps mental. De même que l'adolescent comprend l'enfance, ne comprend pas l'adolescence. L'enfant ne comprend pas l'enfance, mais il va le comprendre une fois adolescent. Une fois adulte, il va comprendre l'adolescence. Puis une fois plus vieux, il va comprendre. Bon, alors c'est que présentement, on a un mental amplement développé pour pouvoir comprendre justement ce qui régit nos problèmes au niveau de notre psychologie. Donc, du plan astral. Mais au niveau mental, présentement, on n'a pas ce qu'il faut. On n'est pas adéquatement préparé à pouvoir travailler là-dedans. Par contre, quand je parlais de l'amour qui est de plus en plus sublime, dans le sens que c'est un amour qui est désintéressé, pas un amour qui se veut désintéressé. Ça, c'est une belle farce de philosophie. C'est une belle spéculation. Ça, c'est un trip astral, encore une fois. Moi, j'ai un amour qui se veut désintéressé. Mais t'es snob, t'es vantard, pis tout ça. Alors, ce qui fait que c'est pas ça. Mais quand il y a des événements, il y a beaucoup d'événements, l'homme y aime, puis bien plus qu'il peut penser, puis de la bonne manière. Sauf que l'homme ne voit pas là de l'amour. L'homme appelle ça des fois le hasard. C'est une bonne raison pour excuser le fait que tu n'étais pas là pour faire ce que l'autre a fait. T'sais? Mais le fait que toi, tu prêtes ton corps, que tu prêtes tout ton être à un événement donné, sans y réfléchir, puis sans quoi que ce soit, ça, c'est de l'amour qui est pur. Puis ça, c'est un amour, disons, qui se rapproche du plan supramental. Mais vu par le plan psychologique toujours. Comme tu parlais la semaine passée, le médecin qui, arrivant sur les lieux d'un cas bien spécial, était énervé tout à coup quand il avait à faire ce qu'il avait à faire. Ça s'est fait comme... Bon, mais là, c'était un acte d'amour pur. À l'instant même où le réflexe mental est développé, c'est-à-dire à l'instant même où le médecin, justement, a plus peur, se fout de sa vie... Il n'y a plus rien qui vient rentrer en ligne de compte, il travaille. Bien, automatiquement, tu sais, ah, oh, c'est sa job. Ouais. C'est ça. Ça, c'est pour excuser, tu sais. Mais ça, c'est de l'amour. L'amour supramental. Ben non. Mais ce qui arrive, c'est de l'amour plus divin que ça. Ce qui arrive simplement, c'est présentement, mettons, disons, que le plan mental est capable de placer, en comprenant l'amour psychologique, de placer l'amour psychologique à sa place et de coordonner. La descente, disons, d'amour divin et le rayonnement de cet amour-là. Puis le rayonnement de cet amour-là, coordonné par le plan mental, est l'amour mental. Mais quand tu vas avoir, à un moment donné, On parle du corps intuitif, du corps plus intelligent, du corps supramental. Quand c'est cette énergie-là, quand, mettons, disons, le corps supramental, mais c'est pas tout à fait ça, quand c'est le corps supramental qui va coordonner l'énergie d'amour pour qu'elle soit rayonnée, ça va être de l'amour supramental. Présentement, c'est la psychologie de l'homme qui coordonne le rayonnement de l'amour. C'est de l'amour psychologique. L'amour émotif. Oui. Puis ça, c'est le plan matériel qui coordonne. C'est de l'amour matériel. Fait qu'attends, t'as pas grand-chose de tout ça pour pouvoir boire dedans. Mais c'est de l'amour pur à l'état matériel. Nous autres, on a l'amour à l'état matériel. On a l'amour au niveau vital, ce qui nous garde en vie. On a l'amour au niveau psychologique. Mais vu que c'est coordonné par le plan psychologique, puis qu'on Dieu sait, ben Dieu sait, l'homme sait aussi qu'il y a bien des problèmes dans la psychologie de l'homme, ben automatiquement, l'amour est diffus, puis l'amour est voulu, on essaie de la contrôler, de s'en accaparer, d'avoir le monopole, de la vendre, parce qu'on vend l'amour aussi. Hein, on peut vendre des enfants, hein, on fait belles affaires. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, ben ça, c'est coordonné par le plan psychologique. Quand le mental réussit à comprendre le processus psychologique du rayonnement de l'amour humain, ben automatiquement, le mental va placer ça à sa place, il va le coordonner, puis là, tout d'un coup, tu vas changer. Tu vas devenir différent, et puis j'en parle pas trop pour pas que le monde commence à courir après ça, ça serait ridicule, mais c'est ça qui arrive souvent. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, ben, ce qui va rayonner de toi, c'est ce qu'on appelle de l'amour mental. C'est l'amour que l'être humain recherche depuis que l'être humain recherche l'amour. Mais vu que l'être humain recherche l'amour au lieu de la rayonner, ben l'être humain, il cherche puis il trouve pas, parce qu'il a rien trouvé. Il n'y a rien trouvé, c'est une transformation. Tu ne peux pas trouver une transformation dans toi. Tu peux en prendre conscience. Mais tu ne peux pas en trouver, tu ne peux pas en chercher non plus. Hein? Alors, ce qui fait que l'amour supramental, présentement, elle existe sur la Terre. On ne la perçoit pas parce qu'on n'est pas adéquatement organisé ou instruit pour pouvoir la percevoir. Alors, ce qui fait que l'amour plus libre, l'amour désintéressé, Lao-Tzu en a parlé, Bouddha en a parlé, Jésus en a parlé, il y en a d'autres qui en ont parlé, mais eux autres en ont parlé pour eux autres. Parce qu'à l'époque, l'homme ne peut pas le comprendre, puis eux autres en le verbalisant, les autres, c'était pour eux autres, ils l'ont compris. Aujourd'hui, ben, l'homme est capable de comprendre ça, de plus en plus. Sauf que c'est faut pas que tu recherches de faire une action désintéressée, parce que tu es intéressé à faire une action désintéressée. Hein? Tu es encore dans le même schéma. Non, il va venir à un moment donné que tu vas prendre conscience que tu viens d'être désintéressé. Puis là, ben tu peux t'en accaparer, puis tout ça, puis virer ça en affaire intéressée, là. Mais c'est le cheminement, puis à un moment donné, tu t'en rendras pas compte. Tu vas de plus en plus émettre l'amour qui devrait être émis dans l'époque du Verseau vers lequel on s'en va. L'amour... Peux-tu nous expliquer l'amour occulte que Jésus a parlé? Les côtés occultes de l'amour que Jésus a enseigné. Bon, premièrement, Jésus a matérialisé la forme d'amour vital par le magnétisme, c'est-à-dire par la guérison des autres. Lui, il s'en allait quelque part, quelqu'un passait à côté de lui, puis se trouvait guéri. C'était pas un désir de Jésus, c'était un fait. Or, l'amour vital était poussé à un rayonnement tel que veux, veux pas, tu guéris. Ça, c'est de l'amour. Il y a une attraction qui se fait. Ça, c'est de l'amour. Il y a tout le monde qui disait, ah, mais il aime, c'est incroyable, tout ça. Oui, mais ça, on le voyait avec nos yeux psychologiques. L'homme le voyait avec ses yeux psychologiques de l'époque. Tu peux pas tout comprendre. Puis Jésus l'expliquait à la masse, ça ne va rien. L'homme ne peut pas tout comprendre. Alors, de temps en temps, parce que ce qui comptait dans la Bible, c'est pas tout ce que Jésus a dit. Tu prends qu'un évangile, ça contient, mettons, 30 pages. Le gars, il a pas dit ça en 3 ans, 30 pages. Il y a bien des affaires qui ont été dites qui sont pas là-dedans. Alors, ce qui fait que la première matérialisation de l'amour vital, ça a été les guérisons. L'amour psychologique, ça a été le fait d'être capable, puis ça, c'est pas un désir, mais ça vient comme ça, de comprendre les besoins psychologiques d'autrui, de comprendre l'écologie ou l'écosystème psychologique de la masse d'individus à cette époque-là. Donc, Jésus ne donnait pas des enseignements qui ne devaient pas être donnés à eux autres. Il y avait son petit groupe, il y avait ses disciples, il y avait 63, et puis à eux autres, ils pouvaient aller un peu plus loin, puis il y en avait encore quelques autres qui étaient encore plus poussés, qui fallait plus loin, parce que ceux-là avaient été à la même école que lui, hein, au niveau dans les écoles esséniennes. Alors, ce qui fait qu'au niveau psychologique, l'amour qui rayonnait, c'était simplement que n'importe qui arrivait puis lui posait une question, Et puis lui avait la réponse sur le plan psychologique de l'individu. Donc, l'individu comprenait la réponse. Un autre arrivait avec une autre forme de psychologie, puis lui répondait que c'était adapté à cette forme de psychologie-là. Il n'y avait pas de recherche à faire, il n'y avait pas d'études à faire, c'était un rayonnement d'amour psychologique parfait, pur. Généré par le supramental. Généré par son père, et puis son père qui était dans les cieux, et non pas son père dans le ciel. Il parle de notre père dans le ciel, mon père est dans les cieux, je reviendrai là-dessus une autre fois. Alors, ce qui arrive, c'est qu'au niveau du rayonnement de l'amour psychologique, c'est ce que tu as eu au niveau de Jésus. Au niveau mental, ce que Jésus a pu rayonner, c'est un amour qui se sentait. Les intellects l'ont su. Il y en a plusieurs qui voulaient le tuer, mais quand ils s'en approchaient, ils se rendaient compte que même ce qu'il dit, on le sait. Mais c'est pas un mauvais gars. Parce qu'au niveau mental, le plan mental, très, très, très embryonnaire à l'époque de ces individus-là, était mis en résonance avec l'énergie émise par Jésus. Ben ça, c'est organisé. Là, c'est bon chum à Jésus. Il n'aurait pas pu arriver à ce qui était prévu si Judas ne l'aurait pas vendu. Là, on l'a maudit parce qu'on a des conceptions suspectes, là, mais je veux dire, c'était correct. Alors, ce qui fait qu'il ne le connaissait pas. Puis, ne le connaissant pas, ben avant que les vibrations émises par lui puissent lentement te transformer, ben on a le temps de le crucifier. Puis là, on n'a jamais rien voulu savoir parce qu'il l'a interviewé trop longtemps. Il l'a eu trop longtemps avant de lui. Fait que lui, il s'est lavé les mains et il a dit « Faites ce que vous voulez avec. » C'est du monde qui l'ont pas côtoyé qui a réussi à l'envoyer sa croix. Bon, alors ce qui fait que le rayonnement mental empêchait l'individu extérieur de le manipuler parce que c'était intrinsèque à Jésus, il le rayonnait. Il ne le voulait pas, il le rayonnait. Bon, au niveau supramental, c'est un rayonnement qui a pas été popularisé à l'époque pour la simple raison que ça l'aurait trop démoli. Alors, ce qui fait que Jésus, de temps en temps, fallait qu'il y en ait qui aillent se cacher derrière des montagnes, dans le désert, dans des sous-sols, de faire de même. Puis, à un moment donné, ben, il y avait des rayonnements supramentaux qui se faisaient, juste que quand il est mort, ben, il est pas mort, mais quand il a emporté son corps avec lui, ben, à un moment donné, là, il y a eu un amour supramental qui a commencé à être rayonné. Mais Jésus, c'est quelqu'un de différent de la race humaine. Je vais pas revenir trop là-dessus. De toute façon, prochainement, j'ai une émission à faire là-dessus, là. Mais, alors Jésus, lui, a rayonné ça de ces façons-là. Je pense que c'est suffisamment, en tout cas, c'est assez clair pour l'instant. Est-ce que Lazare approchait l'amour, le même amour que Jésus avait? Lazare était extrêmement proche du rayonnement mental de Jésus. Mais il n'y avait pas encore le corps mental, donc l'intellect, suffisamment développé pour pouvoir comprendre, intellectuellement parlant, différents plans de tout ce qui se passait devant lui, donc au niveau de Jésus. Mais il était en contact extraterrestre, donc en contact supramental. Extraterrestre, pour la simple raison que le plan astral recouvre la planète Terre. Ça, c'est la psychologie de l'homme. Alors, au niveau terrestre, on a la matière, on a le vital, on a l'astral, donc la psychologie planétaire. Et puis, les énergies qui viennent à l'extérieur de ça, c'est des énergies extraterrestres. Et une personne qui est en contact avec ça est donc contactée. Encore là, il y a des formes d'énergie qui peuvent être carrément démolies par leur entrée dans l'atmosphère astrale de la planète. Ce qui fait que de temps en temps, un individu peut être en contact extraterrestre avec des extraterrestres mauvais, disons, parce que l'énergie qui est rentrée a été déformée par un paquet de schémas psychologiques planétaires. Et puis l'individu le capte, l'individu se croit dirigé par Dieu. On voit ça souvent, c'est coloré, il y a beaucoup, c'est très, très, très coloré. Alors, ce qui fait que, disons, que les extraterrestres qui sont mauvais, mais c'est simplement parce que leur pénétration dans la... On pense que Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Mais Dieu fait pas tout parce que Dieu peut pas tout faire. Alors, mais c'est clair. Lazare avait un contact supramental. Oui, Lazare était en contact, sauf qu'il n'avait pas le corps mental suffisamment développé pour pouvoir laisser carrément canaliser cette forme d'énergie. Est-ce que le comte de Saint-Germain était plus avancé que Lazare? C'est un comte. D'où te vient cet immense bagage de connaissances et comment en es-tu devenu conférencier? Brève réponse, s'il vous plaît. Brève réponse. Ça va être difficile. Non, brève réponse, c'est difficile. C'est facile à dire, la brève réponse, c'est peut-être dur à comprendre. Bon, je suis venu conférencier quand on m'a demandé de faire des conférences. Et puis, d'où je tiens mon bagage, ben ça, c'est facile à dire, plus complexe à comprendre, parce que ça peut amener différentes conceptualisations psychologiques. Mais je peux fouiller à ma guise dans les mémoires planétaires, ce qui fait qu'à ma guise, je peux avoir des connaissances qui ont déjà été sues, que j'ai pas eu expérimenter. L'humanité le fait présentement à travers des livres, elle le fait à travers des émissions de télévision, elle le fait à travers des rêves, on peut le faire à travers des voyages astrales conscientisés. Moi, j'en ai fait quand j'étais très, très jeune assez souvent. Puis il y a des grosses pognes là-dedans, puis il y a des gros dangers, mais il y a des maudites bonnes affaires, ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis amusé à étudier ça. Et puis par après, ben c'est ça, il y a des choses que je sais instantanément, puis quand je parle, je les apprends. Alors, ce qui fait que beaucoup de bagages que je ne connais pas, mais que j'apprends en parlant. Ça, on appelle ça être en contact. Bon, alors brièvement, là, c'est ça. Les rares fois que tu te sers du « nous », comme si d'autres sont avec toi, qui sont-ils? Brève réponse encore une fois. Ah, c'est du monde qui me connaissent, ils savent que j'ai de la gueule. Bon. Bon, alors quand ça va me m'en donner, quand ça va me tenter d'expliquer c'est quoi les nous, je vais l'expliquer. Présentement, sinon. C'est quoi les quoi? Les nous. Qui nous sommes. Il y a des fois que nous sommes l'humanité, puis il y a d'autres fois que nous sommes, ben nous sommes les instructeurs. Mais ça, à un moment donné, c'est ça. On va revenir. C'est bref, hein? C'est parfait. Ça, c'est... En ésotérisme, il faut être bref et concis. Merci. Si on ne s'aime pas physiquement, comment fait-on pour retrouver notre bien-être? Ne me réponds pas « aime-toi », je veux savoir comment le faire. Quand on s'aime la violence. Hein? Si on ne s'aime pas physiquement, comment fait-on pour retrouver notre bien-être? Aime-toi. Continue à lire. Alors, ne me réponds pas, aime-toi. Je veux savoir comment le faire. Bon. Alors, si on ne s'aime pas physiquement, est-ce que ça veut dire que la personne n'aime pas son physique, son image corporelle, ou si la personne veut dire par là qu'on n'a pas de relation corporelle ou de relation physique ensemble? OK? Alors, on va expliquer les deux. Ça peut mettre au cas. Si on n'aime pas notre physique, ben pour retrouver notre bien-être, bien évident que tu n'aimes pas la face, c'est compliqué d'être bien. Pourquoi? Parce que tu as l'idée de ce que tu devrais être. Puis, ayant l'idée de ce que tu devrais être, parce que tu compares, mettons, dans un miroir, à quoi tu ressembles, avec ce que tu aimerais être, parce que tu as vu ça chez autrui ou des choses comme ça, ben évidemment, tu es dans un conflit qui n'a pas rapport, qui va carrément annihiler le phénomène vibratoire d'amour psychologique, parce que toi, tu te culpabilises, parce que toi, tu t'endettes karmiquement avec une dette qui va être relative, c'est-à-dire qui va être générée par tes concepts psychologiques. Et puis le fait de te regarder puis de pas t'aimer, c'est justement parce que tu as l'idée que tu devrais être d'autres choses. Puis comme j'ai déjà expliqué avec, l'homme des fois se pose des questions idiotes parce que l'homme peut pas y répondre. Dans ce temps-là, l'homme ne devrait pas y poser. Ben comparer quelque chose qui est une réalité avec quelque chose qui en est pas une, ben c'est évident que ça peut pas amener autrement l'individu qu'à la souffrance. Alors ça, pour s'en sortir, ben faut justement qu'elle étudie son concept. Pourquoi je suis pas beau? Pourquoi je suis pas belle? Ben parce que je suis pas beau. Ah oui, mais c'est pas étudier quoi que ce soit, ça. C'est pousser le concept plus loin. Mais parce que si j'aurais des yeux ci, puis des yeux ça, puis si j'aurais un manteau comme un tel, puis etc., si tu aurais, mais tu n'es pas, puis là, va étudier dans ces affaires-là, puis à un moment donné, ça va se clairer tout seul, si tu vas étudier consciemment, intelligemment, mais pas toujours en commençant à broyer parce que t'es pas ça. Alors, il y a pas grand chose à faire, à part le fait simplement d'arrêter, comme on dit, dis-moi pas, aime-moi. Mais c'est sûr que, comme tout à l'heure, j'expliquais, il y a des choses, des fois, qu'on dit que c'est relativement con. Pour être heureux, ben, cherche, arrêtez de vouloir être heureux, puis soyez heureux. C'est la réalité, c'est authentique, mais c'est con. Parce que ça fout rien. Ça sert à rien. La personne qui est malheureuse, t'as beau dire ça, à part qu'elle broye plus fort, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Hein? Va dire à quelqu'un qui pleure parce qu'il souffre, va aider d'arrêter de pleurer. Et franchement, il partira pas à rire, certain. Sauf s'il comprend ou sauf s'il est fou. C'est pour ça qu'on mélange. Loin de l'autre. Oui. Alors, ce qui arrive, c'est que si on ne s'aime pas physiquement en termes de relations corporelles, bon, premièrement, c'est pas un empêchement, la relation sexuelle, ou simplement, mettons, un contact physique, c'est pas un empêchement à l'expression de l'amour véritable. Si déjà en partant, toi, tu as une culpabilisation face à une relation sexuelle ou face à un contact physique, attends, tu ne vas pas pouvoir rayonner un amour différent d'un amour de culpabilisation. Pourquoi? Parce que pourquoi tu ne devrais pas faire telle chose? À l'instant même que tu te dis pourquoi je devrais pas, tu vas faire un choix puis tu t'écartes de la vérité. Tu t'écartes du sentier parce que là, tu vois pas d'où vient la source, tu essaies de déterminer ce qui se passe et pourquoi. Puis automatiquement, tu t'en vas à côté de la traque. De temps en temps, ça peut arriver que tu tombes dessus. Mais tu ne tomberas pas dessus longtemps parce que vu que tu es une personne qui fait des choix, tu choisis encore, tu changes encore de chemin. Alors, ce qui fait que si on ne peut pas, moi, je ne peux pas aimer les autres physiquement, parce que si, de par ma nature psychologique, j'ai pas ce besoin-là, c'est pas pareil. Je me sens pas culpabilisé, sauf si je me sens culpabilisé. Les autres peuvent me culpabiliser du fait que je suis pas normal. T'sais? Mais ça, les autres, là, faut pas trop leur apporter d'importance. Les autres, c'est les autres. Quand c'est assez évident que si tu dis quoi, puis que tu te fous des autres, puis que tout le monde t'assomme à coups de marteau, ben là, il y aura tout qui, t'sais. Faut être intelligent. Mais faut pas, moi, je me sente culpabilisé ou je me sente n'importe quoi parce que les autres le disent. Hein? Il y a déjà assez que je crois à tout ce qu'on m'enseigne parce que tout le monde y croit. S'il faut en plus, faut que j'y croie parce qu'on me le dit. À un moment donné, faut arrêter ces affaires-là. Alors, ce qui fait que physiquement, si je suis mal pris et que ça me touche, ça me culpabilise, ben déjà en partant, j'ai déjà un problème avec mon amour égoïsme qui, normalement, devrait pouvoir s'exprimer. Donc, je devrais pouvoir avoir un homme ou une femme de mon goût ou pouvoir faire l'amour si ça me tente de temps en temps, si intelligemment on prépare ce qu'il faut pour ça ou si un contexte social qui le permet. Parce que c'est évident que si tu es une femme, tu couches avec un autre, ton mari t'attend qu'un douze quand tu rentres et vice-versa, le contexte n'est pas adéquat à coucher avec un autre. Tout le monde le verra. Alors, ce qui fait que si un contexte qui le permet, il n'y a rien qui l'empêche. Si intelligemment, tu fais des choses qui sont intelligentes, si tu couches 20 fois puis tu te ramasses 20 fois pair, ben intelligemment, il y a un problème. T'auras beau faire d'avortement tant que tu voudras, il y a un problème pareil. Hein? Parce que l'intelligence s'en mêle pas. Le désir, il est astral. Le désir veut s'exprimer. Si le désir empêche le mental de venir coordonner l'expression de la psychologie de l'homme, ben automatiquement, on tombe dans des fiascos de jalousie, de guerre, d'orgueil, de honte, de tout ce que tu voudras, de culpabilisation, fiasco humain. Mais là, ça change, mais humain comme dans le passé. Alors, ce qui fait que si l'entrave physique est un problème, ben faut pas chercher à aimer autrement, faut commencer par régler ça. La première loi, de toute façon, c'est la seule loi de l'amour psychologique, c'est aime-toi toi-même. Hein? Alors, ce qui fait que si tu aimes les autres comme toi-même, ben d'une façon, ce que tu vas faire, c'est quand même aime-toi toi-même. Faut que tu t'aimes pour aimer les autres, ben ça va de soi. Ça a pas été compris, mais c'est ça. Alors, ce qui fait que si en partant, t'as n'importe quel des problèmes, qu'ils soient psychologiques, physiques ou n'importe quoi, ça te suscite un problème psychologique, tu ne pourras pas exprimer de l'amour psychologique de la façon dont il devrait l'être, ce qui fait qu'automatiquement, ça ne s'exprimant pas, tu ne peux pas exprimer d'autres plans. Tu peux exprimer d'autres formes d'amour astral, psychologique, spirituel, hautement élevé, qui fait qu'à un moment donné, « Oh, moi, j'aime tout le monde, tu flottes des nuages, puis tout ça, mais t'es pogné comme personne n'est pogné. » C'est pas ce que tu vas donner comme feeling aux autres qui n'est réellement ta nature à toi. L'homme, il est trois, l'homme. Il est ce que les autres pensent qu'il est, il est ce qu'il pense qu'il est, puis il est lui. Hein? Alors, ce qui fait que l'homme vivant avec ce qu'il pense qu'il est, puis ce que les autres pensent que lui est, mais l'homme peut avoir un paquet de problèmes au niveau de son amour propre, de ces choses-là. L'homme, il est lui. Quand l'homme va se découvrir lui, ben il sera plus ce qu'il pense qu'il est, puis il sera plus ce que les autres pensent qu'il est. L'homme va devenir lui-même, il n'y aura pas de problème au niveau physique, au niveau quoi que ce soit, puis l'homme va être capable de rayonner un amour peut-être idéal, qui va être parfait, puis qui lentement va permettre le rayonnement d'amour de plans de plus en plus intelligents ou de plus en plus élevés. Alors, ce qui fait que pour retrouver notre bien-être, ben c'est ça, c'est que si déjà tu as un problème avec toi-même, faut juste que tu étudies d'où vient le problème. Si le problème, de toute façon, n'importe quel problème, c'est suscité par une comparaison. Une comparaison entre une réalité extérieure et une comparaison entre une illusion intérieure. Et l'illusion intérieure, tu veux qu'elle se cristallise en réalité. Alors, tu vas avoir une comparaison. Moi, je pourrais ou moi, je voudrais, mais tu ne l'as pas. Automatiquement, tu peux pas être en bien-être. Automatiquement, tu peux pas aimer ni toi, ni personne, ni quoi que ce soit. Alors, si toi, tu as une idée de ce que devrait être la réalité, toi, tu arrives, là, tout petit gros de même dans l'univers, là, tu veux imposer la réalité extérieure à ta réalité. Ben, elle a continué à virer par toi, puis tu es là, puis tu gueules, puis tu souffres, tu tapes sur l'univers, tu maudis l'univers, les étoiles continuent à virer, y a rien qui va changer. Tu as une réalité intérieure qui est une illusion, tu veux l'imposer à l'extérieur, ben t'auras beau gueuler, à part du un anti-bien-être, à part un manque à souffrance, un manque de joie, à part n'importe quoi, ben t'auras rien d'autre. Hein? Alors, ce qui fait que si tu veux imposer ta réalité, tu compares ce qui est l'extérieur, ce qui est réel, avec ce que tu voudrais qu'il soit, puis automatiquement, ça t'éloigne de ton bien-être, automatiquement, il y a un problème. Si tu ne peux pas aimer physiquement, comment retrouver le bien-être? Ben, faut que tu arrêtes de vouloir aimer physiquement si c'est là ton problème. Ben, faut que tu, ben, pour vouloir arrêter d'aimer physiquement, faut pas que tu détestes le physique. Parce que si tu détestes, ben, ton bien-être est loin dans ta barouette. Parce que tu es dans un corps physique. Fait que si tu détestes le physique, ne veux pas un jour, tu vas finir par te rendre compte que tu es dans un corps physique. Tu te trouves aussi avec les autres. Fait qu'il y a un mot du danger là-dedans. Certaines théories de réincarnation disent que tu as choisi le véhicule physique dans lequel que tu vis présentement avec l'approbation de d'une hiérarchie quelconque, une hiérarchie cosmique. C'est une loi karmique et non pas une loi réincarnative. Justement. Alors, si on comprend ce point-là, ou si on croit à ça, ça peut aider à en venir à aimer notre physique, ouais, si on l'a choisi. Oui, mais quand on parle choisi, c'est ça. C'est que l'homme choisit parce que l'homme comprend pas. C'est, si je prends le verre d'eau, je le garoche dans les airs, ben j'ai choisi de me faire arroser. Mais j'ai jamais choisi ça, on me fait arroser pareil. Alors, dans le sens qu'au niveau du karma, c'est ça, tu choisis ton véhicule, tu choisis bien des choses que tu n'as pas choisies, mais qui sont des résultats de lois, comme les lois naturelles, qui aboutissent. Tu plantes une graine, tu donnes tout ce qu'elle a besoin pour vivre, ben son karma fait qu'elle pousse. Il y a personne qui choisit quoi que ce soit, c'est que les conditions de loi sont adéquates, il se passe ça. Alors, c'est la même affaire. Quand tu mets ta main dans un bac d'acide sulfurique, tu souffres un karma d'acide sulfurique, tu l'as pas choisi, mais c'est ça. Donc, tu l'as choisi. Quand tu connais la loi, puis tu le fais, là, tu choisis. Mais quand tu connais pas la loi, puis tu le fais, il se passe le même résultat. Donc, exotériquement parlant, c'est-à-dire vu de l'extérieur, ben, il choisit, mais c'est parce qu'il comprend pas. C'est pour ça qu'on éduque, à un moment donné. Alors, le fait de ne pas, si on ne s'aime pas physiquement, si c'est toi que t'aimes pas, parce que toi, tu ne t'aimes pas physiquement, c'est la même chose que de pas aimer l'extérieur physiquement, ou de pas aimer ta maison, ou de pas aimer bien les affaires. C'est rien que tu compares. Parce qu'à un moment donné, moi, je me suis rendu compte de ça. Quand j'étais tout jeune, j'étais une boule. J'étais intellectuel, puis je me promenais dans la bibliothèque, puis j'avais un laboratoire chez nous, j'avais toujours le nez d'un fiole. Toutes mes chums avaient des blondes, toutes mes blondes avaient des chums. Ben, même pas mes blondes, mais mettons que oui, des fois, oui. C'est jamais, ouais. Mais moi, personne ne me courait après. Je pensais pas, je sais pas, ça n'avait pas un rapport physique. Moi, j'étais un rapport avec mes fioles, mes livres, tout ça, tu sais. Ben non, quand on me parlait, je répondais tout le temps que le monde ne comprenait rien. Alors, ce qui fait que moi, je comprenais bien, mais c'était pas adéquat, tu sais. On va te voir un film à soir. Ah oui, il y a Zorro qui joue, j'aimerais aller le voir. C'est pour ça qu'ils veulent pas tout, tu sais. Alors, ce qui fait que, physiquement, ben, à un moment donné, je voyais pas du tout, je regardais les autres gars, puis je disais, crème, il est là à mort. Comment ça fait qu'une fille court après? D'un coup, je voyais d'autres filles, elle est là à mort. Mais il y a un gars qui était après pareil. Comment ils peuvent faire? Fait que les gars, c'est mal pris à maudit. C'est pas ça qu'il y a. Ce qui arrive simplement, c'est qu'en termes de résonance vibratoire, en termes de résonance vitale, résonance physique, de résonance psychologique avec puis mentale, parce qu'il y a du monde, à un moment donné, qui t'aime parce qu'il s'intéresse aux mêmes affaires que toi. De toute façon, la majorité du monde que t'aimes s'intéresse aux mêmes affaires que toi. Le premier point de liaison entre deux individus qui s'aiment, ben, il faut qu'ils s'aiment. Sans partage, ils ont déjà deux points en commun. C'est les points en commun qui fait qu'une personne se lie ensemble. S'ils s'aiment pas, ils se rencontrent la première fois, tu sais, puis ils vont dans les mêmes cours. D'ailleurs, j'ai connu un cours de conduite, tu sais, t'as conduit comme moi, puis à un moment donné, ben là, j'ai parlé avec elle de telle affaire, tu sais, ça l'intéresse, elle connaît ça, tout ça. Mais bien, à un moment donné, que même s'il n'y a pas d'amour, ben à un moment donné, on a tellement de points en commun que, ben c'est ça, l'attraction, l'amour, c'est une loi de gravité, c'est grave. Alors, ce qui arrive, c'est qu'au niveau de cette attraction-là, ben automatiquement, on finit par aimer. Mais physiquement, si tu ne t'aimes pas, c'est simplement parce que tu vois... T'imagines qu'il y a un problème quelque part, puis ce problème-là, tu le places là. Tu vois la source qui sort à pourri, c'est parce que le gars là-bas, il écrase une sauterelle. Pas d'autre raison que ça, c'est ça. Fait que là, tu détestes tout ce qui écrase des sauterelles, parce que ça pollue l'eau. Alors, ce qui fait que toi, si tu penses que c'est ton physique, puis tu détestes ton physique, t'auras beau te transformer ton visage en tableau de peinture, mettre du mascara, tout ce que tu voudras, tu n'arriveras pas à l'aimer plus. Et plus tu mets du stuff, plus qu'il plisse, parce que moins il peut respirer, puis plus que selon toi, tu l'aimes pas. Hein? Là, tu penses à la chirurgie plastique, pas tout ça, puis t'oses pas. Parce que t'es bien dans le fait que tu t'aimes pas. La beauté se voit avec une paire de yeux aussi. Mais oui, c'est justement. Si on prend un bonhomme comme Charles Bronson, les premières fois qu'il était dans des films, selon ce que certains ont écrit, le monde le trouve laid. Ben, il est laid. Après qu'il était populaire et qu'il a rayonné, comment est-ce que le monde le trouve beau? Parce qu'il a rayonné. Tout le monde l'aime, ben il est beau. Je sais, prends les nouvelles vedettes que tu as. Prends Michael Jackson. Mais j'ai déjà vu des coupes de cheveux mieux que ça. Prends Boy George. J'ai déjà vu des gars mieux habillés que lui. Puis il est aimé. Il est aimé parce que on passe par-dessus l'élément physique, puis même qu'à un moment donné, l'élément physique finit par nous plaire. Parce que nos vibrations tombent en résonance avec les siennes. Ce qui fait que même l'élément physique nous plaît, à un moment donné. Alors, ce qui fait que même ton corps physique, attends-toi pas à ce que quelqu'un le trouve beau si tu te trouves laid. Ça, c'est évident, parce qu'en partant, tu fais fuite à tout le monde. Tu sais, la personne a dit, oh, t'as des beaux yeux. Toi, en dedans, tu dis, le cave. Tu sais, tu veux même pas rien accepter. Alors, ce qui fait que le bien-être réel, si toi, en partant, t'as déjà un problème avec toi-même, faut que tu étudies d'où vient ce problème-là. Quel est le schéma, le concept qui te fait comparer la réalité que tu ne comprends pas, celle de ton corps physique est comme ça, avec une réalité extérieure. Il y a tellement d'affaires aujourd'hui qui fait que deux individus vont se marier, vont se lier, vont coucher, vont faire n'importe quoi ensemble, vont se lancer dans un projet. Il y a tellement de phénomènes différents que le physique. Mais t'as revisse, faut pas que la personne mette tout au niveau du physique pour commencer à haïr ça. Parce que même si toi t'as pas un beau physique, tu peux me plaire en tabarnouche. Tu vas me lire à un moment donné que ça peut aller très très très loin. L'union peut être illimitée, l'union peut être limitée, mais il y a un cheminement qui va se faire à un moment donné. C'est pas l'attraction physique qui fait quoi. Mais si toi, tu te brimes à vouloir penser que c'est l'attraction physique, c'est pas correct. Tu vas être malheureux, puis c'est rien qu'à ça à étudier. Il y a beaucoup d'autres plans à travailler, puis l'amour, c'est pas au niveau physique. Même l'amour physique, c'est pas au niveau physique. Faut que ta psychologie aime. Il y a toujours une psychologie sur la terre pour aimer un physique sur la terre. Tout le temps. Chaque torchon va trouver sa guenille. T'en plein ça. La façon dont tu parles de l'amour, n'est-ce pas un autre concept de l'amour réel? Seulement. C'est évident. Vois-tu, le fait que moi j'en parle, je comprends des choses puis je vis des choses. Mais n'importe quelle personne qui m'écoute va premièrement adapter ça en forme conceptuelle. Donc, automatiquement, ça devient une philosophie, puis automatiquement, ça devient un concept. Mais instantanément, certaines personnes vont pouvoir tout de suite le vivre. Automatiquement, il n'est plus concept, il leur appartient, puis c'est pas moi qui le dis. Ils peuvent le vivre, ils peuvent en parler, c'est à eux autres. Mais si la personne le relègue au niveau concept, puis la personne, elle est mentale, pas supramentale, mais ultramentale. Alors, si la personne le relaie quelque part, simplement pour faire des analyses, des spéculations, etc., c'est évident, c'est une autre vision, très jolie, très belle, très correcte, de ce que peut être l'amour. Mais n'importe quel, un concept, c'est quoi? C'est simplement quelque chose que tu emmagasines, ça devient un concept. Mais si tu n'emmagasines pas, puis tu l'exprimes, quelle que soit la forme de ce qui t'est enseigné, tu l'exprimes, c'est plus un concept. Moi, je peux pas faire autrement que donner des philosophies, puis des concepts, puis des idées. Sauf que moi, je les vis. Puis moi, je le sais. Mais moi, je le sais, puis toi, tu ne peux pas le savoir. Parce que c'est pas parce que je le dis que c'est ça qu'il faut que tu penses que c'est ça. Là, t'es tarlac. Non, faut que tu le vives. Mais à un moment donné, en ayant d'autres idées, d'autres formes, en voyant ton concept, en voyant des choses, ah, c'est vrai ça, puis ça, c'est vrai ça. Si t'es capable de faire ça, parce que mentalement, t'es tout prêt de comprendre. Dans deux semaines, dans deux ans ou dans 20 ans, t'aurais compris, t'es proche de la compréhension maudite. C'est pas moi qui viens tout t'amener de nouveau pour tout changer. Si t'arrives à comprendre ou à voir l'intelligence de choses qui sont dites par la voie alimentaire que je compte des fois, si t'es capable de voir ça, mais automatiquement, ben merde, ça devient toi ça. Puis l'appliquer, c'est plus un concept. Tu sais, c'est un concept de dire, moi, dire à quelqu'un, je t'aime. Ou ben non, tu vas voir ton patron, c'est un maudit bon boss. Puis j'aime ça travailler pour vous. C'est un concept de penser que le boss va aimer ça. Mais si tu vas le faire, puis tu le dis, puis tu t'en retournes, puis le boss qui aimait ça, c'est plus un concept, c'est une réalité. Mais si tu penses, ça paraît ça, par exemple, que dans deux semaines, tu allais faire la même affaire avec ton gérant, puis il va être content, le boss était content, c'est un concept. Faut que tu le vives pour que ce soit plus un concept. Tant que tu le gardes dedans ta petite valise bien cachée, puis tu te promènes ça avec toi, ben ça peut pas faire autrement que tu aies un dossier de plus dedans ta mémoire, donc être un concept. C'est évident que c'est un concept. Mais ça dépend juste de l'homme de le mettre en vécu. Puis n'importe quelle chose, faut que l'homme l'applique pour pouvoir y goûter. Tu peux pas savoir si l'eau est salée ou sucrée tant que tu n'y as pas goûté. Tu peux avoir bien des concepts de savoir si c'est un sucré ou si c'est un salé. Tu ne peux pas le savoir tant que tu ne l'as pas mis en pratique, tant que tu ne l'as pas vécu. Alors, ce qui fait que pour l'individu qui veut, c'est un autre concept. Pour l'individu pour qui ça s'applique, que réellement, à l'intérieur de lui, il y a un cheminement qui commence puis qui replace des choses, c'est plus un concept. Puis c'est pas grâce à moi, c'est simplement parce que la personne, elle est prête à imbriquer des choses, à opérer un changement. Changement, il n'est pas suscité par moi, il est suscité par sa compréhension. Moi, je fais un l'ancien paquet de mots. C'est évident que ça peut être un concept, mais ça peut être appliqué dans le vécu, puis ça peut servir en maudit. Se centrer soi-même. Hein? Y a-t-il possibilité d'aimer lors d'un voyage astral? Bon, oui. Y a-t-il possibilité d'aimer lors d'un voyage astral? Bon. Alors, les individus qui font des voyages astraux. Mais, bon, ben, on va prendre un exemple. De temps en temps, on donne des cours sur les voyages astrales ici. Et puis moi, je connais une personne. Oui. Bon, dans l'astral, c'est quoi? C'est la psychologie. Alors, c'est évident que l'amour psychologique est possible dans l'astral psychologique, c'est évident. Alors, au niveau des voyages astraux, il y a un individu, à un moment donné, qui a vu quelque chose d'absolument extraordinaire. Il était stické dessus, il la regardait, puis il était conscient, il nous parlait. Fait que là, il disait, « Hey, là, c'est beau. Là, c'est extraordinaire. C'est plus que... » Puis là, c'est comme McDonald's, hein? Il préférait la regarder que d'en parler. Puis là, il bafouillait, puis là, c'était beau, puis c'était merveilleux. Il était en amour total. Puis il voulait même pas le quitter. C'est un des dangers de l'astral, mais c'est un des dangers de l'astral de notre vie matérielle aussi. Tu veux pas le quitter, donc tu veux pas que ça s'en aille parce que t'es trop bien. Plus que tu découvres des belles choses, plus que tu souffres après quand ça s'en va. Hein? Alors, ce qui fait que là, la personne, elle regarde ça, puis c'était. Puis à un moment donné, ben là, quand elle est revenue, ben c'était toujours aussi beau parce que dans sa mémoire, ça avait tellement été beau, là, même dans sa mémoire, ben c'est ça l'amour. Alors, elle avait eu une attraction. Même dans sa mémoire, elle toute fois qu'elle le ramenait, là, c'était comme quand tu rencontres quelqu'un que tu aimes la première fois, là, puis que c'est, tu sais, tes yeux sont brillants, puis ça, là, tu sais. Fait que ça a duré 2-3 semaines, la personne est en amour total, puis à un moment donné, ça se place, comme n'importe quel amour psychologique. Alors, dans l'astral, on a fait plusieurs voyages astraux, puis il y a des individus qui sont venus avec moi dans certains plans, dans certains temps. On a vu des choses, et puis par après, ben, dans leurs rêves, ils vont refaire les mêmes voyages, parce qu'ils ont été bien, parce qu'il y a des choses qu'ils ont vues, qu'ils ont aimées. Et puis, tu peux tomber en amour total avec une entité astrale ou une entité d'une personne qui dort, qui se promène. Sauf que les dangers de l'amour psychologique, donc de l'amour astral, dans l'astral, sont les mêmes que dans notre astral. Là, on vit dans l'astral avec tout ce qu'on perçoit, c'est au niveau psychologique, sauf qu'on en est conscient. Alors, c'est les mêmes dangers. L'amour est aussi possible que dans le plan matériel, il n'y a aucun problème. Je pense qu'il y en a assez qui ont fait des voyages pour le savoir. Hein? Ouais. Comment faire pour aimer nos enfants? C'est de lui que je parlais. J'avais envie de ne pas poser cette question-là aussi. Comment faire pour aimer nos enfants sans leur nuire? Merci pour la conférence. Bon. Ouais. Pour être réel dans la réponse, faut pas que tu veuilles aimer tes enfants. Parce qu'en partant, tu veux réussir à bâtir la clôture autour d'eux sans qu'ils s'en rendent compte. Bref, sans que ça les nuise. Tant que l'enfant ne sait pas qu'il est dans une clôture, ça ne le nuit pas. Mais dans le cas des enfants, Daniel, les parents, je pense que c'est un endroit justement où, sans se forcer automatiquement, ils vont aimer leurs enfants. Oui, ça, il y a un amour qui va être physique, il y a un amour qui va être instinctif, c'est-à-dire que il y a quelque chose dans l'homme qui le pousse à procréer la race, donc à préserver justement les enfants. Puis ça, il y a au niveau des ondes de forme, c'est-à-dire, j'expliquais ça un peu la semaine dernière. Alors, ce qui fait que le parent lui-même va aimer, mais il va aimer parce que inhéremment à lui, il doit conserver et protéger. Ce qui fait que s'il ne le fait pas, il va souffrir parce qu'il va se sentir coupable en maudit. Puis les parents se sentent coupables, c'est incroyable quand ils arrivent de quoi à leurs enfants? Un accident, une mortalité ou bien des choses dans le genre. Hein? Là, ton enfant, il s'est kidnappé, puis on l'a retrouvé attaché après un arbre, puis il est mort. Les parents se sentent coupables, la société se sent coupable, et pour éviter cette culpabilité-là, on préserve, on protège, on aime nos enfants. Ça, c'est parfait parce que l'homme, à l'époque, n'aurait pas été assez intelligent pour pouvoir comprendre le processus génétique, puis le processus de coordination génétique, puis le processus de procréation de la race. Mais comment faire pour aimer nos enfants d'une façon intelligente? Bien, il faut qu'on ait un mental. Puis ça, j'ai expliqué ça un petit peu dimanche, c'est une conférence qui était fermée, par exemple. Mais au niveau de l'instructeur, ce que tu dois faire pour aimer tes enfants, parce que les enfants, c'est extraordinairement important, parce que c'est le schéma réincarnatif de tous ceux qui sont passés avant. Alors, ce qui fait que l'enfant lui-même, il doit être libre, mais le mental, quand je dis qu'on est des enfants, il faut en prendre conscience, mais il faut être des adultes par rapport à nos enfants. Alors, ce qui fait que l'enfant a un cheminement à faire, puis il faut pas que juste notre psychologie veuille diriger le cheminement de l'enfant. Moi, là, j'ai déjà mis ma main dans le feu, je me suis brûlé, puis je veux pas que lui souffre ça. J'ai assez souffert! On veut pas que nos enfants souffrent ce qu'on a souffert. Mais toi, t'es toi, t'as l'intelligence que t'as parce que t'as eu vécu ce cheminement-là. Fait que si tu prends ton enfant, tu le mets dans une cage, tu l'enfermes là-dedans, il souffrira jamais, selon toi. Mais il va souffrir du fait de pas souffrir. Il va souffrir du fait de pas pouvoir expérimenter. Alors, ce qui fait que si tu... L'amour au niveau des enfants, elle est extraordinairement importante, l'amour psychologique, parce qu'elle préserve. Hein? Elle donne une idée sociale à la société de préserver nos enfants. Alors, ce qui fait que toi, tu te dois de gérer mentalement l'expression psychologique de ton amour. L'enfant va apprendre telle chose, tu vas lui dire. Mais l'enfant doit aussi expérimenter pour pouvoir mieux le savoir, pour pouvoir l'enseigner en parlant en son nom, point qu'en parlant « Mon père disait, ma tante disait, la Bible disait, Bernard de Montréal disait, Franck Schaffner disait, Daniel Kien disait. » L'enfant, faut pas qu'il dise « La maîtresse m'a dit que » ou « Ben non, maman va te chicaner. » À un moment donné, faut qu'il vive ces choses. Or, c'est compliqué d'aimer psychologiquement puis de laisser l'enfant libre parce que t'as tout le temps peur qu'il arrive de quoi. Sois intelligent, sois son ange gardien, sois là pour éviter les gros accidents, puis laisse le reste. Là, tu l'aimes, puis d'une façon drôlement plus efficace, puis tu te rapproches réellement d'un amour qui peut être adéquat. Puis l'enfant, il va t'aimer, il va te la remettre au centuple parce qu'il ne sera jamais brimé. Tu vas pouvoir dialoguer avec tout le long de son adolescence, tout le long des crises, tout le long n'importe quoi. Il n'y aura pas une partie à un moment donné où l'enfant va s'enfermer, va sacrer son camp, puis il revient après, c'est normal. Mais si tu es capable de le laisser libre d'être son ange gardien, puis l'ange gardien, c'est pas un père poule ou une mère poule. C'est pas ça. Mais c'est ton mental qui doit gérer puis vérifier. Les expériences à apprendre, il faut absolument qu'ils vivent. Mais ça, l'homme le comprend de plus en plus parce que les jeunes parents ont de nouvelles idées sur la naissance, sur l'endroit, sur les harmoniques qui doivent aller avec ça, puis sur l'éducation des enfants, qui peut être beaucoup plus libéral. Mais là, tu te rapproches d'un amour qui peut être utile pour les enfants. Il a été utile dans le plan évolutionnaire de l'humanité antérieure. Mais maintenant, ben, il faut quand même laisser un peu plus libre parce que l'individu, autant que l'adulte, l'enfant autant que l'adulte, doit faire son cheminement propre. Il n'y a pas d'évolution qui se fait à partir de l'extérieur. Alors, c'est très important. Alors, Daniel, sur ce, on se quitte. C'est déjà terminé. Alors, je te remercie beaucoup.